passage où Jérémie dit « Est-ce qu'il va bien ? Arrêtez-moi, demandez-moi. » Okay. Alors, j'ai approché la question de l'expérimentation animale au début de mon militantisme pour les animaux. Il y a 8 ans, plus ou moins, je venais de me rendre compte des innombrables façons dont les humains exploitent, manipulent, massacrent les êtres sensibles non humains. J'ai mieux posé parce que je trouvais tout ça injuste. J'étais donc aussi contre toute expérimentation animale. Je ne me rappelle pas si j'avais une argumentation précise, je crois que non. Mais ce qui est certain est que c'était fondamentalement pour un sentiment éthique. Mais dès que j'ai commencé à militer concrètement dans une association, j'ai appris que le style de l'argumentaire du mouvement pour les animaux contre l'expérimentation était très différent. Les séminaires, les articles, les communiqués de presse, les campagnes étaient basés en immense majorité sur des raisonnements scientifiques. Les voici. Les espèces animales ne sont pas entièrement comparables entre elles d'un point de vue biochimique, physiologique, comportemental, etc. Et même les individus qui appartiennent à la même espèce ne réagissent pas à la même manière aux phénomènes, suite aux différences de sexe, âge, santé, etc. Pour cette raison, ce n'est qu'après avoir expérimenté sur l'espèce humaine que, a posteriori, on peut établir des comparaisons entre elles et les autres espèces animales. Du coup, aucun test sur les animaux est a priori fiable. Et toute l'expérimentation animale est inutile et dépourvue de validité scientifique. Ce sont des arguments que tout le monde connaît, je pense. Les militants pour les animaux soulignaient aussi l'opportunité stratégique de cet argumentaire scientifique contre l'expérimentation animale. Puisque la plupart des gens s'en fichent des droits des animaux et ne voudraient jamais la fin de l'expérimentation animale simplement pour sauver les animaux impliqués, la démonstration scientifique que les tests sur les animaux ne donnent pas des réponses utiles à la santé humaine serait l'argument parfait pour convaincre l'opinion publique qu'il faut arrêter toute expérimentation animale. Donc au début, je trouvais que cet argumentaire était tellement simple, évident, raisonnable, que je me suis demandé pourquoi je n'y avais pas pensé avant. Ainsi, j'ai adhéré à cette opinion. J'ai lu avec intérêt les bouquins des médecins italiens contre l'expérimentation animale. Il y en avait un, très important, le premier qui a été écrit en Italie, qui s'appelle d'une façon si significative « Vivisection ou science ?». Et donc je me suis convaincue que les tests sur les animaux n'étaient que de la fausse science pratiquée par des scientifiques malhonnêtes et ou fermés d'esprit. Mais après quelques années, j'ai commencé à avoir des doutes. C'était en 2002, j'avais repris, je souligne la date parce que c'était avant de rencontrer les antispécistes français, parce que... En Italie, tout le monde était convaincu de la validité des arguments scientifiques. Et moi, j'ai commencé à douter. Et puis, quand j'ai rencontré les antispécistes français, j'étais vraiment contente de voir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui n'était pas complètement convaincu de ça. Donc, je suis arrivée à développer mon point de vue indépendamment de la rencontre avec vous. Donc, c'était en 2002. J'avais repris mes études de philosophie après quelques années de militantisme pur. Et dans les cours que je suivais à la fac, j'apprenais des notions d'histoire de la pensée et d'épistémologie. Surtout, j'approchais la pensée de Michel Foucault, qui a été très importante pour moi. Mais entre-temps, je n'ai pas arrêté tout militantisme, bien entendu. Dans la même année, j'ai organisé à la fac un séminaire sur l'expérimentation animale en psychologie, où je me suis très disputée avec le prof d'histoire de la médecine, qui depuis ce moment-là n'a pas manqué de m'adresser chaque fois qu'il m'a rencontré. Bon, les études ont apporté de nouvelles idées à ma réflexion et m'ont inspiré une attitude plus critique. La première objection qui m'est venue à l'esprit était que l'argumentaire scientifique contre l'expérimentation animale au nom de la santé humaine ne marche pas dans la recherche de base, où on utilise les animaux pour réaliser des expériences qui ne sont pas directement liées au traitement des maladies humaines. En effet, le 99% de l'argumentaire scientifique vise à la toxicologie, c'est-à-dire à la production des médicaments, alors qu'ils se trouvent mal à l'aise face à la recherche de base. Voir antidote, la page 10 mensonges sur l'expérimentation animale. Il est écrit l'expérimentation animale permet d'augmenter nos connaissances, certes si l'on s'intéresse à l'espèce étudiée. Des expériences sur les rats permettent d'augmenter nos connaissances sur les rats. Pourtant, toutes n'ont pas d'application pratique. Devons-nous alors tolérer les expériences et la douleur qu'elles supposent pour le simple plaisir d'un savoir qui ne profitera ni à la santé de l'espèce étudiée, ni à la santé humaine? Alors, moi, je me dis, le fait d'étudier une autre espèce en soi serait-il si ridicule? Depuis quand la recherche scientifique vise uniquement une application pratique? Les astronomes n'étudient pas des galaxies loin des centaines de milliers d'années-lumière? Les botanistes n'étudient-ils pas des plantes qui n'ont aucune utilité pour nous? Donc, les expériences biomédicales sur les autres espèces, pourquoi devrait-on les refuser? Évidemment, pas pour des raisons scientifiques, mais parce qu'elles causent de la souffrance, comme justement les disent ceux d'Antidote aussi, ne pouvant eux-mêmes non plus contourner l'argument éthique. En outre, ce qui m'a causé de l'inquiétude était qu'il restait théoriquement possible qu'on imagine une expérience, une seule, qui se révèle fiable, dont le résultat soit utilisable. Comment l'éviter? Comment s'y opposer en restant uniquement dans les cadres scientifiques? Finalement, et surtout, j'ai commencé à m'interroger à propos de la nature de ces consentements que j'avais donnés si spontanément aux explications des scientifiques anti-vivisectionnistes. En fait, l'argumentaire contre l'expérimentation animale peut être réduit à cette simple formule. L'expérimentation animale n'est pas scientifique. Mais qu'est-ce que cela veut dire scientifique? Qu'est-ce que la science? Qu'est-ce qu'une méthode scientifique? Il suffit de jeter l'œil à l'histoire et aux problèmes méthodologiques de la science pour se rendre compte que l'attribution des caractères scientifiques à une expérience ou à une théorie n'est absolument pas une question évidente. Mais au dehors de la communauté scientifique et en général du groupe de personnes qui ont fait des études scientifiques, le sens des mots science, scientifique est très flou et tout à fait mythologique, en évoquant des vagues idées d'objectivité, d'incontestabilité, en opposition au présumé relativisme des sciences humaines. Et on retrouve ce sens flou et mythologique dans tout discours non spécialisé pour et contre l'expérimentation animale. Pour revenir à l'argumentaire scientifique, qui veut révéler que les tests sur les animaux sont une fraude scientifique, cette révélation, à qui est-elle adressée? Aux scientifiques? Pour ce qui concerne les scientifiques, ils savent très bien, et depuis longtemps, qu'il y a des différences morphologiques et physiologiques entre les espèces. C'est pour cette raison que des expériences sur les humains vivants ont été conduites chaque fois qu'il y a eu la possibilité, suite à des situations politiques favorables, c'est-à-dire sous des régimes despotiques qui mettaient à disposition des scientifiques les condamnés à mort. À Alexandrie, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous les règnes des Ptolémées, à Pise à la Renaissance, au XXe siècle, sous le nazisme, dans les camps des concentrations. Je vais en reparler à propos de l'histoire de l'expérimentation. Dans tous les cas, les problèmes impliqués dans l'utilisation expérimentale des espèces non humaines en médecine sont connus. Je vous donne un exemple en citant un auteur célèbre dont le nom vous est peut-être familier, c'est Georges Canguilhem. Dans la connaissance de la vie, chapitre 1, expérimentation en biologie animale, Canguilhem commente le travail de Claude Bernard avec admiration, mais sans renoncer à faire des remarques critiques là où Bernard semble minimiser des difficultés méthodologiques spécifiques de l'expérimentation dans les sciences de la vie. Alors maintenant, je vais lire un passage assez long, mais vraiment intéressant, de la connaissance de la vie. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de copier et de projeter, mais j'espère que vous allez me suivre quand même. Alors. C'est quelqu'un qui étudiait la méthode scientifique, donc pas contre l'expérimentation animale en soi-même, qui dit « Il convient d'examiner, en cédant d'exemple, quelles précautions méthodologiques originales doivent susciter dans la démarche expérimentale du biologiste la spécificité des formes vivantes, la diversité des individus, la totalité de l'organisme, l'irréversibilité des phénomènes vitaux. » Alors, premier point, spécificité. Contrairement à Claude Bernard, qui pense qu'il n'y a pas de différence entre une observation bien prise et une généralisation bien fondée, il faut bien dire qu'en biologie, la généralisation logique est imprévisiblement limitée par la spécificité de l'objet d'observation ou d'expérience. Donc la transposition des résultats d'une observation à une loi générale. On sait que rien n'est si important pour un biologiste que le choix de son matériel d'étude. Il opère électivement sur tel ou tel animal selon la commodité relative de telle observation anatomique ou physiologique, à raison soit de la situation ou des dimensions de l'organe, soit de la lenteur d'un phénomène ou au contraire de l'accélération d'un cycle. En fait, le choix n'est pas toujours délibéré et prémédité. Le hasard, aussi bien que le temps, égale un temps pour le biologiste. Quoi qu'il en soit, il serait souvent prudent et honnête d'ajouter, au titre d'un chapitre de physiologie, qu'il s'agit de la physiologie de tel animal, en sorte que les lois des phénomènes qui portent, ici comme ailleurs, presque toujours le nom de l'homme qui les formula, portassent de surcroît le nom de l'animal utilisé pour l'expérience. Le chien pour les réflexes conditionnés, les pigeons pour l'équilibration, l'hydre pour la régénération, le rat pour les vitamines et les comportements maternels, la grenouille, etc., etc. Or, l'important ici est qu'aucune acquisition de caractère expérimental ne peut être généralisée sans d'express réserve, qu'il s'agisse des structures, des fonctions et des comportements, soit d'une variété à une autre, dans une même espèce, soit d'une espèce à une autre, soit de l'animal à l'homme. C'est 1952, ce bouquin. Alors là, il parle de la difficulté de généraliser d'espèce à espèce. Par exemple, et il fait des exemples, il donne des exemples. Par exemple, on cite encore dans beaucoup des manuels d'enseignement les lois des Pflüger, aucune idée, sur l'extension progressive des réflexes. Or, comme l'ont fait remarquer von Weizsäcker et Charriton, le matériel expérimental des Pflüger ne lui permettait pas de formuler des lois générales du réflexe. En particulier, la seconde loi de Pflüger, symétrie, vérifiée sur des animaux à démarche sautillante, comme le lapin, est fausse s'il s'agit du chien, du chat, et d'une façon générale, de tous les animaux en marche diagonale. Et puis les problèmes de appliquer les résultats des animaux sur les hommes. Par exemple, les phénomènes de réparation des fractures osseuses. Une fracture se répare par un calque. Dans la formation d'un calque, on distinguait traditionnellement trois stades. Stade du calque conjonctif, c'est-à-dire organisation de l'hématome interfragmentaire. Stade du calque cartilagineux. Stade du calque osseux, par transformation des cellules cartilagineuses en ostéoblastes. Or, les riches et Policar ont montré que dans l'évolution normale d'un calque humain, il n'y a pas de stade cartilagineux. Ces stades avaient été observés sur les chiens, c'est-à-dire sur des animaux dont l'immobilisation thérapeutique laisse toujours à désirer. Puis il parle de la difficulté de comparaison de résultats entre individus dans la même espèce. Comment s'assurer à l'avance de l'identité sous tous les rapports de deux organismes individuels qui, bien que de même espèce, doivent aux conditions de leur naissance, sexualité, fécondation, amphimixie, ça j'ai aucune idée de ce que c'est, une combinaison unique des caractères héréditaires, à l'exception des cas de reproduction à gamme, d'autofécondation, des gémellités effraies, des polyembryonies, il faut opérer sur des organismes de lignée pure relativement à tous les caractères, sur des homozygotes intégraux. Or, si le cas n'est pas purement théorique, il faut avouer du moins qu'il est strictement artificiel. Ce matériel animal est une fabrication humaine. Oui, là, c'est chiant, les signes, mais quand même, c'est pas un antisectionniste. Bon, il faut. L'intéressant, c'est le sens. Ce matériel animal est une fabrication humaine, le résultat d'une ségrégation constamment vigilante. En fait, certaines organisations scientifiques élèvent des espèces, des rats et des souris, obtenues par une longue série d'accouplements entre consanguins. Et par conséquent, l'étude d'un tel matériel biologique, dont ici comme ailleurs les éléments sont en donnée, est à la lettre celle d'un artefact. Et là, il cite un certain Jacques Duclos qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'homme des vins d'univers » que malheureusement je ne suis pas arrivée à récupérer, qui dit que la science moderne est davantage l'étude d'une paranature ou d'une supernature que de la nature elle-même. Citation. L'ensemble des connaissances scientifiques aboutit à deux résultats. Le premier est l'avancée des lois naturelles. Le second, beaucoup plus important, est la création d'une nouvelle nature superposée à la première et pour laquelle il faudrait trouver un autre nom puisque justement elle n'est pas naturelle et n'aurait jamais existé sans l'homme. Alors maintenant, ce n'est pas le cas de discuter si voilà, la pertinence méthodologique. Moi, je ne suis pas scientifique, hein. Mais c'est seulement pour avoir une idée que les scientifiques ou les gens qui étudient la méthode scientifique étaient déjà très conscients des problèmes très, très subtils, très, très importants de l'expérimentation biomédicale. Et donc, revenir-nous. Vous voyez comme ces textes parus en 1952 montre une conscience profonde des problèmes méthodologiques impliqués par l'expérimentation biomédicale. Et il montre aussi que cette conscience n'amène pas automatiquement à la fin de l'expérimentation même. Comme prétendent les scientifiques anti-vivisectionnistes. Quoi ? Non, je sais pas que ça soit pas mis à l'idée, ce genre de choses, par exemple. Ça paraît évident. C'est évident. J'ai entendu ça, cette réflexion-là. Voilà. Donc, quand Guilhem expose avant, avec élégance et netteté, les mêmes concepts que les scientifiques antisélectionnistes proposent 50 ans après, comme si c'était une sorte de révolution copernicienne. Le fait que... Attendez, je vous montre dans les cycles d'un petit peu. J'ai plein de citations et j'ai du mal à les retrouver. Voilà, ici. Des grandes. Antidote Europe, c'est. Antidote Europe, c'est. C'est un comité scientifique qui critique les méthodes de recherche archaïques, obsolètes et dont l'efficacité n'a jamais été prouvée, en particulier les recours à l'expérimentation animale. Et cette méthode, on dit qu'ils sont responsables du fait que les nombres d'individus atteints de maladies graves dans les pays développés ne cessent d'augmenter. La santé humaine se dégrade, donc notre comité s'oppose à l'expérimentation animale pour des raisons strictement scientifiques. Et Antidote Europe n'entend pas entrer dans le débat éthique sur les droits des animaux. C'est clair, donc c'est un comité qui s'oppose, qui donne plein de raisons d'argument contre l'expérimentation animale pour la santé humaine. Et voilà. Et j'ai pris ce site en tant qu'exemple parce que parmi les sites, bon, je voulais vous parler de quelque chose que vous connaissez ou qui c'est, fait partie de la culture française, culture militante française. Et j'ai pris ce site parce qu'il me semblait le plus celui qui avait la plus grande apparence scientifique, sérieuse, et aussi parce qu'il y a un comité en Italie qui, si j'ai bien compris, travaille avec un pilote. Donc, ceux d'Antidote disent que c'est ici. Des grandes différences sont constatées parmi les individus d'une même espèce et à plus forte raison d'une espèce à l'autre. Donc ils disent la même chose, dans une façon beaucoup plus simple, un peu banale. Mais dire que des individus sont différents n'est pas la même chose que dire qu'ils sont incommensurables. Vous comprenez ce que je veux dire, incommensurables? Alors que c'est ça que les antivisectionnistes soutiennent, en disant par exemple que aucune espèce animale n'a les modèles biologiques du nombre. Voilà, aucune espèce animale n'a les modèles biologiques du nombre. Sans se rendre compte que s'il était complètement impossible de transposer les connaissances relatives à un individu sur un autre, on en devrait conclure que dans la nature, il n'y a que des individus, tous incommensurables, et que par conséquent, aucune science serait possible. S'il n'y avait aucune commensurabilité entre les individus vivants, même les méthodes alternatives ne seraient pas utiles, ne seraient pas scientifiques, puisque un résultat valable pour un individu obtenu par exemple avec une culture cellulaire ne serait pas a priori valable pour aucun autre individu. On tomberait dans le nominalisme pur. En revanche, si on admet qu'il y a une commensurabilité entre les individus vivants, on doit aussi admettre que des comparaisons entre individus des différentes espèces peuvent être établies au niveau théorique, même si avec la plus grande précaution et attention, bien entendu, comme suggéré par Canguilhem, justement. Tout en admettant cette possibilité, on pourra bien choisir de ne pas utiliser les animaux non humains dans la recherche, mais pour des raisons purement éthiques. Il est vrai qu'on pourrait aussi interpréter la critique scientifique contre l'expérimentation animale d'une façon plus subtile. Elle ne serait pas une critique à part des objectifs, mais à part des subjectifs, dans le sens que même si du point de vue de l'objet étudié, donc des individus vivants et les espèces, il y avait effectivement des analogies, des ressemblances, il y aurait quand même une difficulté du point de vue du sujet, c'est-à-dire le chercheur, parce que ce n'est qu'a posteriori qu'il arrive à les découvrir. Autrement dit, ce n'est qu'après avoir expérimenté sur l'espèce humaine qu'on arrive à découvrir telle ou telle autre analogie avec telle ou telle autre espèce humaine et animale. Ce qui rendrait l'expérimentation animale inutile, parce que de fait, elle n'épargnerait pas l'expérimentation sur les humaines. Donc c'est la version plus subtile de l'argument scientifique. Et il faut dire que dans les sites, disons, dans les discours vulgarisés, on fait souvent une confusion entre les deux points de vue. Même dans le site d'Antidote, on dit soit que les espèces ne sont pas... qu'aucune espèce n'est le modèle biologique d'une autre, soit qu'il n'est pas possible a priori de comparer, donc il faut tester sur des humains, donc ce n'est qu'à posteriori qu'on peut établir des comparaisons, voilà. Ça c'est plus subtil, mais souvent on fait confusion. Alors, je me demande, n'est-il pas le caractère fondamental de toute la science moderne qui se veut empirique d'avoir sa vérification a posteriori, n'est-il pas tout à fait scientifique d'un point de vue inductif, le procédé de collecter des données, les interpréter, élaborer une théorie et finalement la tester en laboratoire pour découvrir si elle est vraie ou fausse, pour la vérifier ou falsifier? Les scientifiques d'Antidote critiquent les connaissances acquises par l'expérimentation animale en disant que comme toute cette connaissance, la connaissance acquise par l'expérimentation animale, est empirique, remarquez la nuance méprisante, comme si empirique était contreposto, était à opposer. Opposé à scientifique. Comme toute cette connaissance est empirique, même si nous savons quel est l'effet d'une substance donnée sur un animal, rien ne nous permet de prédire quel en sera l'effet sur un animal d'une espèce différente. Bon, à mon avis, le catastrophisme de cette phrase n'est absolument pas justifié. Premièrement, un scientifique ne prédit pas, il suppose, il construit des hypothèses. Dans ces cas-là, un scientifique pourrait bien avoir une attente plus ou moins raisonnable à propos des effets de la substance sur notre espèce selon les connaissances dont il dispose. Deuxièmement, la science n'est pas une clairvoyance, mais une discipline qui a les pieds sur terre, qui décrit la réalité, et c'est complètement normal qu'elle laisse le dernier mot à l'expérience pour confirmer ou contredire ses théories. Troisièmement, l'expérience peut contredire à tout instant même les théories qui semblent désormais acquises et données pour certaines. Pour une simple raison logique, expliquée par Karl Popper dans The Logic of Scientific Discovery, 1934. Une loi générale est une généralisation tirée de l'observation d'un certain nombre de cas particuliers. Ces procédés, du particulier à l'universel, s'appellent induction. Or, Popper dit que pour arriver à avoir une certitude incontestable à propos d'une loi ainsi établie, ou pour arriver à sa vérification finale, il ne suffit pas d'avoir observé un nombre aussi grand qu'il soit des cas particuliers. Logiquement, il faudrait avoir observé tous les cas particuliers possibles. Tous les cas particuliers possibles. À l'infini. Ce qui est évidemment impossible. Suivant l'exemple très connu de Popper, pour affirmer d'une façon vraiment incontestable que tous les corbeaux sont noirs, tous les corbeaux sont noirs, il faudrait avoir observé tous les corbeaux qui ont vécu sur la Terre dans toutes les époques, sans parler de la possibilité qu'il existe des corbeaux extraterrestres. Voici c'est le célèbre critère de falsification de Popper. Puisque une théorie ne pourra jamais être complètement vérifiée, on ne pourra jamais dire qu'elle est vraie, mais seulement qu'elle n'a pas encore été falsifiée. Autrement dit, on ne peut pas prouver la vérité, mais seulement la fausseté d'un énoncé universel. Falsifier, il l'utilise pour dire qu'elle est fausse. Attends, j'explique. On ne peut pas affirmer que l'énoncé « tous les corbeaux sont noirs » est vrai. On peut seulement éventuellement affirmer que cet énoncé est faux suite à l'observation d'un corbeau blanc. Ainsi, c'est pour la structure logique de l'induction et pas à cause d'une faiblesse méthodologique de l'expérimentation animale qu'une généralisation entre espèces différentes ne sera jamais concluante. Il reste toujours la possibilité que l'expérience la contredise. Dernièrement, la vérification, aussi bien que la falsification, s'est produite a posteriori. Du coup, les scientifiques qui critiquent les tests sur les animaux, parce qu'ils ne sont pas a priori concluants pour les humains, oublie qu'ils se trouvent exactement dans la même position. Ils ne peuvent pas affirmer a priori qu'un test sur les animaux n'est pas concluant sur les humains. D'un point de vue strictement scientifique, dans les deux cas, on ne peut se prononcer qu'après le verdict de l'expérience. Si l'expérience montrera qu'il y a des analogies concluantes entre une certaine espèce animale et l'espèce humaine, on pourra considérer cette espèce-là un modèle pour l'espèce humaine pour ce qui concerne un certain phénomène. Sinon, on affirmera le contraire. Encore une fois, tout en admettant le caractère scientifique d'un procédé qui, a posteriori, juge les analogies et les différences parmi les espèces animales, on pourra bien choisir de ne pas utiliser les animaux non humains dans la recherche, mais pour des raisons purement éthiques. Une autre objection scientifique tirée du site d'Antidote. Thank you. par le besoin de publier. Poussés par le besoin de publier pour donner de l'essor à leur carrière, beaucoup de chercheurs dupliquent des expériences déjà faites en changeant quelques détails et en les présentant comme nouvelles. Or, à mon avis, le fait de répéter les expériences n'est pas un point scandaleux. Comme je viens de le dire, une théorie ne peut jamais être validée définitivement, mais un scientifique peut la confirmer de plus en plus en pratiquant des nouvelles expériences qui, pour ainsi dire, la mettent chaque fois à l'épreuve, en changeant justement quelques détails, c'est-à-dire, dans d'autres mots, en modifiant des paramètres pour que la nouvelle expérience puisse donner des nouvelles informations. Alors, ça ne pose aucun problème en physique. On pourrait répéter toujours la même expérience avec des atomes, ça ne pose aucun problème. Le problème est que dans les sciences de la vie, les expériences se pratiquent sur des individus vivants, sensibles et conscients. Du coup, c'est cette nature particulière des êtres sur lesquels on pratique les expériences dans ce domaine qui rend grave le fait de répéter et répéter les expériences. Encore une fois, c'est pour une question. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je crois qu'il y a pas de chien. J'étais prise par le pathos pour mes sensations. Donc, c'est cette nature particulière des êtres sur lesquels on pratique les expériences dans ce domaine qui rend grave le fait de répéter les expériences. Encore une fois, c'est pour une question éthique. En ce qui concerne les scientifiques qui s'approprient du travail d'autrui, en publiant les recherches sans citer l'apport éventuel d'autres personnes, ce n'est pas une question scientifique ni éthique, c'est une question légale qui ne nous intéresse pas beaucoup ici. Donc, j'ai parlé d'une nature particulière des êtres sur lesquels on pratique les expériences dans les sciences de la vie. Et je dis que c'est ça qui rend inacceptable cette expérience. En fait, un autre problème de l'antivivisectionnisme scientifique et de tous les mouvements contre la vivisection, j'ai mis entre guillemets parce que je vois qu'on a du mal à faire une distinction entre vivisection et expérimentation animale. À mon avis, on utilise vivisection d'une façon un peu malhonnête parce qu'il est vrai que vivisection, c'est plus fort d'un point de vue émotionnel. Et c'est ça que le vivisecteur lui reproche, justement. Et je ne vois aucun problème à parler d'expérimentation animale. C'est plus juste, c'est approprié. Vivisection, c'est ouvrir l'animal. Pas si manqué ça. Par exemple, on avait vu dans le film, dans l'exposé de Dominique, les expériences avec le poulet qui appuie sur les boutons. Ça aussi, c'est de l'expérimentation, à mon avis. Et je n'ai pas aimé ça, même si ça serait théoriquement pour avoir des données qui prouvent l'intelligence des animaux. Mais moi, je trouve que c'est quand même de l'expérimentation animale, je suis contre. Et là, il n'y a pas des vivisection. C'est comme à l'école. C'est comme à l'école. On expérimente sur les enfants pareil. Oui. Donc, un problème de l'antivivisectionnisme scientifique, c'est de ne pas bien distinguer entre thérapeutique médicale et expérimentation biomédicale. On croit généralement que l'objectif de toute expérimentation biomédicale est le traitement des maladies humaines. Par conséquent, on se moque des recherches qui, de façon évidente, ne produisent pas des connaissances utiles pour des humains, comme on l'a vu sur le site d'Antidote. en disant que c'est, il semble que c'est ridicule de faire des expériences sur les rats, comme si ce n'était pas intéressant de voir des connaissances sur les rats. Et suite à ces malentendus, on accuse aussi les chercheurs de sadisme, de malhonnêteté, d'imbécilité. Dans les bouquins de Rouesch, vous connaissez les bouquins de Rouesch, c'est Slaughter of Innocents ou... Il n'y a personne qui connaît Rouesch. On n'a pas lu. C'était le... Bon, je vais vous expliquer. Je connais que le nom. C'est le premier bouquin contre la vivisection qui prétendait donner des arguments scientifiques, même si Rouesch n'est pas un scientifique. Et il y avait plein de citations de revues médicales, des bouquins pour, de humains qui sont tombés malades, qui sont morts suite aux médicaments qu'ils avaient pris. Mais là, je trouve que c'est une suite d'accusation. Il n'y a pas d'argumentation logique, mais ça, je vous invite à le lire. Parce que par exemple, quand il parle de Claude Bernard, il ne fait que dire « Ah, c'est un sadique, c'est dégoûtant. » Il ne fait pas une critique vraiment scientifique. Il fait appel aux émotions des lecteurs. Tout en faisant semblant de donner des arguments scientifiques, il fait appel aux émotions. Bon. Donc, l'expérimentation dans les sciences de la vie est quelque chose de plus que la recherche de traitements pour les maladies humaines. Et corrélativement, la thérapeutique ne coïncide pas forcément avec l'expérimentation. Et cela apparaissait très clairement à l'époque ancienne. Donc maintenant, comme d'habitude, je vais vous donner une... je vais faire un petit leçon d'histoire. Ceux qui n'étaient pas au festival l'année dernière ne savent pas, mais l'année dernière, c'était aussi un peu d'histoire. Donc, l'histoire de la pensée. Et je vais expliquer pourquoi ça me semble intéressant. Donc, en Grèce, il y a un schéma qui n'est pas très joli. Mais j'espère que c'est clair. Et vous arrivez à lire. C'est un peu difficile. Oui, attends, je peux faire des sourcils. Je peux agrandir, mais comme ça, on perd un peu la vision d'ensemble. Bon. Donc, en Grèce, plusieurs paradigmes médicaux différents coexistaient. Les sources fondamentales sur les courants médicaux anciens sont le proème, c'est-à-dire l'introduction du De Medicina de Cels, 1er siècle après Jésus-Christ, et les œuvres de Galien, 3e siècle après Jésus-Christ. Dans le proème, dans l'introduction de son ouvrage, Cels écrit une courte histoire de la médecine, où il décrit surtout le conflit entre l'école dite dogmatique ou rationnelle et l'école dite empirique. C'est ça. Alors, toutes les deux acceptaient la théorie des quatre humeurs. Qu'elle reprenait de la médecine hippocratique. Donc les quatre humeurs, c'était sang, phlegme, bile jaune et bile noire. Et toutes les deux utilisaient l'observation du patient, des symptômes de la maladie, de son cours, des résultats thérapeutiques. Aujourd'hui, on appellerait ça médecine clinique. Mais les empiriques affirmaient que seulement les causes évidentes de la maladie, par exemple le climat, le style de vie du malade, les altérations superficielles du corps, étaient connaissables et que cela était suffisant au traitement. Alors que les dogmatiques étaient aussi intéressés à connaître les causes cachées de la maladie, les causes intérieures. c'est-à-dire les facteurs antérieurs anatomiques et physiologiques. Origine des humeurs, fonction des organes, etc. Donc cette école dogmatique était une filiation de l'école d'Hippocrate, comme vous voyez, et fleurit à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans le corpus Hippocraticum, l'ensemble des écrits de l'école d'Hippocrate, les descriptions anatomiques étaient presque absentes. Donc, on n'étudiait pas trop l'anatomie. Hippocrate ne parle pas d'anatomie. Donc, pas de dissection, pas d'expérience. Alors que ce sont justement les médecins d'Alexandrie, Hérophile et Erasistrate, qui ont développé au dernier degré à l'époque ancienne l'étude de l'anatomie humaine en pratiquant des dissections de cadavres humains et suivant ce que Cels écrit dans le chapitre 23 de son poème, aussi des vivisections sur des condamnés à mort. Alors, come in interioribus partibus et dolores et morbum varia generalis santum, nemiam putantis adibere posse media, ipsas ignoret. En plus, comme des douleurs et plusieurs genres de maladies naissent dans les parties antérieures, les médecins rationnels sont de l'avis qu'aucune personne qui les ignore ne peut appliquer des remèdes. Ergo necessarium esse incidere corpora mortuorum, eorumque viscera aque intestina scrutare. Longeque optime fecisse eorium et erasistratum, qui nocentes homines a regibus et stacre acceptos vivos inciderim. Donc, ils pensent qu'il faut inciser les corps des morts et observer les entrailles, et qu'Hérophile et Erasistrate ont très bien fait en incisant des criminels vivants pris des prisons par les rois. Je voulais dire quoi la première partie, la première phrase que tu as fait. Qu'ils pensent qu'ils disent que les douleurs et les maladies naissent dans les parties antérieures et les médecins rationnels sont de l'avis qu'aucune personne qui les ignore ne peut appliquer des remèdes. L'utilité en médecine de la connaissance anatomique. Or, il faut préciser que les connaissances ainsi acquises restaient encadrées dans la théorie des humeurs et dans la pratique thérapeutique de l'observation. Autrement dit, on étudiait la morphologie antérieure de l'être humain qu'en tant que connaissance des supports, dont l'utilité pratique était en fait très limitée. Bref, l'anatomie n'était pas au cœur de l'art médical ancienne. D'un côté, l'école empirique. Donc, l'école empirique, qui était tout à fait hostile aux dissections et aux vivisections, en disant qu'elle était inutile parce qu'elle n'expliquait pas l'organisme vivant et ses fonctions, mais seulement l'organisme mort dans la dissection ou mourant dans la vivisection. Donc il y avait un courant médical qui n'utilisait complètement la dissection. De l'autre côté, l'école dogmatique, qui poursuivait seulement les connaissances anatomiques qui pouvaient s'assimiler à la théorie des humeurs et être utile à la pratique chirurgicale. Donc c'était une utilité pratique. Mais ce qui nous intéresse est qu'à l'époque ancienne, l'étude de l'anatomie et de la physiologie des vivants était poursuivie autonomement, au dehors de la médecine, par les philosophes, avec le seul but de philosophie de la nature, c'était la science à l'âge ancien, avec le seul but de parvenir à la connaissance de la nature en elle-même, donc aucun but thérapeutique. fameuse lettre apocryphe attribuée à Hippocrate, le célèbre médecin raconte sa rencontre avec Démocrite, le philosophe atomiste, assis au pied d'un arbre. C'est un peu petit, mais on arrive un peu à percevoir. Il est assis au pied d'un arbre et entouré des cadavres d'animaux qu'il vient d'utiliser pour des dissections. Mais c'est surtout dans la pensée d'Aristote, en matière de biologie, qu'on trouve une utilisation constante et consciente de la dissection et de la vivisection d'animaux, non humains, bien entendu. Un ouvrage biologique d'Aristote que je connais directement est le traité sur la génération des animaux. Je l'ai consulté à propos de la théorie de l'épigénèse, c'est-à-dire l'explication de la formation progressive du fœtus par addition de parties. Ce qui ne pouvait évidemment pas se faire à l'époque d'Aristote qu'en ouvrant plusieurs femelles enceintes à différents moments de la grossesse. Comme une citation d'Antidote. Voilà. Alors, les Lumières d'Antidote écrivent que des variations anatomiques et physiologiques ont pu être étudiées sur certains animaux et généralisés à tous du temps où l'homme ignorait encore jusqu'à la fonction des organes. Quelle condescendance, je me dis. Il s'appelle les savants anciens tels qu'Aristote des physiologistes en herbe. Alors que je trouve que la question de la formation du fœtus chez les êtres vivants était une question très importante du point de vue scientifique et philosophique, je n'ai pas besoin d'accuser Aristote d'être quelqu'un de sadique ou qui voulait donner de l'essor à cette carrière ou qui faisait partie du lobby pharmaceutique pour condamner cette expérience. Mais il suffit de remarquer que la nature de cette expérience est telle qu'on ne pouvait pas la conduire à l'époque qu'en manipulant des êtres vivants, sensibles et conscients. Et que pour cette raison éthique, il fallait renoncer aux connaissances bien qu'intéressantes qu'on pouvait en tirer. Or, je trouve très remarquable l'hypothèse d'un spécialiste d'histoire de la médecine qui s'appelle Andrea Carlino, qui a écrit ses bouquins « La machina del corpo », qui a été la base de ces excursus historiques super rapides que je suis en train de faire. Et c'est en italien, il y a plein d'images intéressantes. Si quelqu'un veut jeter l'œil, vous pouvez me le demander. Donc, selon ces spécialistes, puisqu'il semble, suivant les témoignages survécus, que l'expérimentation en philosophie de la nature, donc l'expérimentation, les dissections, les vivisections, en philosophie de la nature s'est développée pratiquement et méthodologiquement avant l'expérimentation médicale. Aristote vécut au 4e siècle avant Jésus-Christ, alors que les médecins d'Alexandrie, c'était au 3e siècle. Donc, il suppose que c'était justement la première, donc l'expérimentation en philosophie, qui a fait naître la deuxième. En d'autres mots, c'est la philosophie de la nature qui a ouvert les corps vivants pour les étudier et qui en a montré l'intérieur à la médecine, qui jusqu'à ce moment-là ne les avait observés que de l'extérieur. C'est la philosophie de la nature qui a montré que l'observation de l'intérieur pouvait apporter les connaissances utiles à la thérapeutique. Alors vous voyez, À droite, il y a la médecine hippocratique qui a donné la théorie médicale. Et à gauche, il y a la philosophie de la nature qui a apporté la méthode de la dissection et de la vivisection. Mais, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il restait toujours un écart théorique entre la dissection médicale et la dissection philosophique. Il y a un passage de l'ouvrage de Galien, De Anatomicis Administrationibus, qui est très éclairant. Voilà. N'a pas été traduit en français, malheureusement pour vous. Dans la traduction des ouvrages de Galien, il n'y a pas celle-ci, donc je l'ai traduit pour vous. Yulana. Voilà. L'original était en grec, puis il y a... Ça a été traduit en latin, bon, je sais pas, à la Renaissance peut-être. Alors. Tu nous le dis tout de suite en français, ouais. C'est un peu messe. Tu nous le dis tout de suite en français, s'il te plaît. Oui. Tu n'as pas vu que je viendrai. Non, mais c'est la dernière fille. D'accord. Alors. En vérité. Pour que nous puissions faire ça, c'est-à-dire parler de l'anatomie, nous allons distinguer les niveaux de toutes les spéculations pour en montrer l'emploi. Il y a l'emploi de la spéculation anatomique pour les physiciens qui aiment la science en elle-même, puis il y a l'emploi pour celui qui ne l'aime pas en elle-même, mais au but de démontrer que la nature ne fait rien au hasard. Donc c'est philosophie morale, c'est démonstration du finalisme en nature. Puis l'emploi pour celui qui trouve dans la dissection des arguments pour connaître les actions physiques et psychiques. Donc c'est toujours le domaine de la recherche des bases, disons, recherche scientifique. Puis l'emploi pour celui qui extrait les aiguillons, les épines et les pointes des flèches avec habileté, ou qui va faire des incisions de bonne façon, ou qui traitera avec justesse les fistules et les abcès manuellement. Comme je l'ai dit, ces choses sont nécessaires au plus haut degré et il faut que les bons médecins s'exercent d'abord sur elles, après sur les fonctions cachées des entrailles, puis qu'ils connaissent l'utilité de tout ce qui amène les médecins à diagnostiquer les maladies. En effet, certaines choses sont plus utiles aux philosophes qu'aux médecins. Dernière ligne. Oui. Alienque philosophis utiliores sunt, non medicis. Sont plus utiles aux philosophes d'une façon double, pour ainsi dire, soit au but de la spéculation, soit pour qu'ils enseignent la science de la nature en l'exposant justement dans toutes ses parties. Donc c'est un but didactique. Donc Galien distingue plusieurs emplois de l'anatomie dont les principaux sont les recherches scientifiques philosophiques d'un côté, et la pratique chirurgicale de l'autre côté. Le rôle des connaissances anatomiques, antérapeutiques et médicales n'est pas mis trop en relief. Bref, jusqu'à ce qu'est la théorie des humeurs. Vous voyez donc derrière. La seule théorie médicale, c'est la théorie des quatre humeurs, plus anatomie en tant que connaissance des supports en chirurgie, dépourvu de rôle explicatif, ou presque dépourvu. Donc, jusqu'à ce que la théorie des humeurs et la thérapeutique clinique rester les paradigmes médicaux fondamentaux, c'est-à-dire jusqu'au XVIe siècle plus ou moins, la connaissance de l'anatomie humaine n'était qu'un surplus théorique pour la médecine. Les médecins ne sentaient pas le besoin de développer des investigations expérimentales pour soigner leurs patients, parce que les moyens conceptuels dont ils disposaient étaient suffisants. On assumait la morphologie de Galien sans la remettre en discussion. Du coup, les rares dissections des cadavres humains effectuées à la fin du Moyen Âge avaient un but purement didactique. Elles n'apportaient aucun progrès scientifique et les erreurs des anciens en anatomie s'est perpétuées. Il y a une image synthétique. C'est une scène de dissection d'une université au XIVe siècle, plus ou moins. Il y a le médecin qui est assis en haut. Il y a un livre devant lui. Il est en train d'expliquer, de lire le livre sans même regarder ce qui se passe en bas. En bas, il y a un technicien. Un technicien. Une sorte de... Oui, voilà, un boucher. Oui, c'est un boucher qui ouvre le cadavre. Et ce n'est que pour indiquer la place des différents organes. Donc vous voyez, le médecin lui-même ne regarde même pas. C'est le boucher qui est pendant qu'il lit. Cette situation a changé suite à deux ruptures historiques. Là, j'ai mis une ligne pour souligner la rupture totale avec ce qui s'est passé avant. Donc, les deux ruptures, c'était l'apparition du célèbre ouvrage d'André Vézal, De Humanis Corporis Fabrica, 1543, qui attribuait à nouveau un sens d'investigation aux dissections humaines, et l'abandon progressif du paradigme des quatre humeurs en faveur du paradigme mécaniste. Ce dernier, en expliquant les fonctions des organismes vivants par les lois physiques du mouvement, réouvrait la porte à l'expérimentation et à son intégration officielle dans le fondement de la méthodologie médicale actuelle. Donc après ça, il y a vivement Claude Bernard. Donc, pourquoi je vous ai proposé... Ah, non. C'est aussi intéressant de regarder l'image de... Voilà, Vézal, c'est la couverture de cet ouvrage de Vézal. Là, c'est une nouvelle scène de dissection. Vous le voyez. C'est complètement différent. Le médecin est au centre. C'est Vézal même. Et là, on a mangé les cadavres. Et une montre, donc c'est pour investiguer, pour chercher, pour observer. Ce n'est pas pour continuer à lire toujours les mêmes trucs anciens. Voilà. Donc, pourquoi je vous ai proposé cette réconstruction historique méthodologique? Je pense qu'il vaut la peine d'y travailler ultérieurement dessus et plus sérieusement que ce que je fais, parce que je fais évidemment une étude super rapide et je ne suis pas spécialiste d'histoire de la médecine, j'aimerais bien le devenir, mais bon, je verrai. Parce que je pense que pour arriver à un bon argumentaire critique contre l'expérimentation animale, il faut assumer un regard plus conscient et nuancé que celui des antidissectionnistes scientifiques sur l'histoire de la médecine et de l'expérimentation dans les sciences de la vie. Les sites scientifiques, prétendus scientifiques contre la dissection, donnent des reconstructions tout à fait invraisemblables de l'utilisation d'animaux dans l'histoire de la médecine. N'acceptant pas d'admettre que tous les savoirs empiriques, anatomiques et physiologiques, donc les savoirs empiriques, anatomiques et physiologiques, se fondent sur l'analogie entre les espèces et sur les expériences, on établit une distinction manichéenne et dépourvue de sens entre vraie science, celle qui n'utilise pas les animaux, et fausse science, celle qui les utilise. Par conséquent, l'acquisition des connaissances vraies est reconduite aux recherches conduites par une hypothétique vraie science, alors que l'expérimentation animale est présentée comme un élément de dérangement imposé par des causes extérieures à cette vraie science. Entre ces causes extérieures, celle la plus souvent invoquée et celle la plus facile à évoquer. Parmi ces causes, celle la plus souvent invoquée est l'interférence de l'Église. Voilà. C'est simple, c'est toujours la faute de l'Église. Au moins, je suis athée anticatholique, hein. Mais je dois remarquer que souvent, en matière d'histoire de la pensée, on se laisse trop aller à la haine anticléricale des Lumières et du libéralisme bourgeois, en indiquant l'Église comme seule coupable des difficultés, des erreurs et des préjugés que la pensée humaine a connus pendant les siècles. N'acceptant pas de reconnaître que les difficultés, les erreurs, les préjugés, c'était aussi une matière antérieure à la science, qu'il n'y avait pas forcément des causes extérieures. Donc, l'antivisectionnisme scientifique n'est pas exempt. Voici un exemple tiré d'un site italien qui propose une histoire de l'expérimentation animale. Donc, ce sont des matériaux pour les militants, quoi. On propose une histoire de l'expérimentation animale basée sur un bouquin anglais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le connaît. Malheureusement, je ne suis pas arrivée à le récupérer. Il s'appelle Sacred Cows and Golden Geese. De Ray et John Swingle Greig. Ce sont des scientifiques, toujours des scientifiques américains, je crois, ou anglais, je ne sais pas. Et l'introduction à ces bouquins a été écrite par Jane Goodall. Donc, je vous montre la page italienne juste pour. Bon, vous ne lisez pas l'italien, mais je n'invente pas, c'est vraiment pas. Bon. Alors, premièrement, on fait commencer la vivisection d'animaux avec Galien. Avec Galien. Deuxième cycle. Oui. Là, on dit. Tu peux traduire, quoi. Lequel? Traduire. Il met quoi? Camino, de l'acquisition. Donc le chemin de l'acquisition de la connaissance médicale a commencé sur le bon pied, sur le bon chemin, au 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est ça? Oui, Hippocrate. Fut le père de la recherche clinique. Encore aujourd'hui, l'observation clinique fournit les informations médicales les plus précises et utiles. Le médecin le plus fameux, le plus célèbre de l'Antiquité, après Hippocrate, fut Galien, Galeno Claudio de Pergame, donc 129-200. Médecin des gladiateurs et du fils de Marc Aurèle. Galien commença par l'étude du corps humain, mais l'Église ne lui permit plus les autopsies humaines, les voyant comme particulièrement immorales. Mais il n'y avait pas l'Église à l'époque. Attends. enfin, les voyants comme particulièrement immoral, ne pouvant plus faire des dissections sur les cadavres humains, Galien eut recours aux animaux, devenant ainsi le père de la vivisection. Donc, premièrement, on fait commencer la vivisection d'animaux avec Galien, ce n'est pas vrai. On l'a vu tout à l'heure, les expériences sur les animaux non humains étaient déjà pratiquées plusieurs siècles avant Galien. Là, c'est 2e siècle après Jésus-Christ. Aristote, c'était 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, et puis, il est dit que Galien commença ses études d'anatomie sur les cadavres humains, mais qu'il dut passer aux expériences sur les animaux non humains parce que l'Église n'est permis plus de dissection humaine. Galien a vécu au 2e siècle après Jésus-Christ. Tout le monde sait, ou presque, sait qu'à cette époque-là, les chrétiens étaient encore persécutés. L'édit de Constantin, qui a mis fin aux persécutions religieuses dans l'Empire romain, remonte au 313 après Jusqu'après jusqu'après la grande persécution des Dioclétiens, un siècle après la mort de Galien. Donc il est assez difficile de penser que les chrétiens persécutés et le pouvoir d'imposer des restrictions à un médecin qui est payé en plus. En réalité, les tabous à propos de la manipulation des cadavres humains sont beaucoup plus anciens que le christianisme. Il s'agit d'une question d'anthropologie. Moi, je ne peux pas l'aborder ici. Je trouve que ce serait aussi intéressant. Moi, je ne suis pas anthropologue. Puis après... Alors là, c'est le grand risveglio. Alors là, il est écrit que. Donc le grand réveil. Oui. Les erreurs de Galien, hier et de l'année, avec les produits. C'est où? C'est avant le titre. Ah, avant le titre. Les successifs. Oui, les études suivantes exécutées sur des cadavres humains eurent par la suite éliminé, non, auraient par la suite éliminé beaucoup de ces erreurs. Les erreurs de Galien ajoutées aux prohibitions de l'Église ont étouffé le développement de la médecine jusqu'au 16e siècle. Alors, on accuse encore l'Église de s'être opposée à l'avancement de l'anatomie. Il est dit que les scoperte di Vesalio, les découvertes de Vesale minèrent les fondements même de la civilisation et de l'Église. Donc c'est une légende très diffusée, celle de l'Église qui interdisait les dissections des cadavres humains. En réalité, on commença à pratiquer des dissections didactiques, comme je vous ai montré dans la première image, au XIVe siècle, sans que l'Église n'impose aucune interdiction formelle. Puis, en 1472, le pape Sixte V promulga une bulle dans laquelle il reconnaissait l'utilité médicale et artistique de l'anatomie. Enfin, oui, artistique. Tu sais, il y a la légende de Michel-Angelo, c'est Michel-Ange, Michel-Ange, oui. Qui allait envoler les cadavres pour dessiner, étudier l'anatomie. Et donc, puis enfin, en 1527, le pape Clément VII autorisa formellement l'enseignement de l'anatomie dans les écoles et les universités. 16 ans avant la publication du De Humanis Corporis Fabrica de Vesale. Encore une erreur énorme tirée du même site. Moi, ça m'embête parce que c'est vraiment énorme. C'est pour les militants. Les militants vont lire ça, vont répéter, mais bon, il y a des fautes énormes. Écoute, il n'y a que moi, je pense, qui a remarqué, et ça fait un an ou un an et demi que j'ai l'intention d'écrire un truc pour critiquer, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne façon, parce que c'est un peu quoi ? Délicat. Voilà. Alors. Donc, selon les auteurs, la renaissance de l'étude de l'anatomie humaine sur les cadavres aurait balayé la fausse science, les erreurs de Galien et l'expérimentation animale avec elle. Ainsi, des scientifiques, parmi lesquels William Harvey, auraient découvert la circulation du sang sans expérimenter sur les animaux et en recourant uniquement aux dissections. Tout au poisson du monde. Tout cela montre que c'était encore possible d'expliquer la circulation du sang sans utiliser des animaux. Et là, il y a William Harvey, médecin anatomiste et physiologue anglais, a démontré par les autopsies que le sang circule. Alors, c'est complètement faux. Qui que ce soit qui ait lu les discours de la méthode de Descartes se souviendra du passage où Descartes explique sa théorie de la circulation du sang, qui était fausse, à l'opposition à celle de Harvey, qui était vraie, en citant des expériences sur les animaux conduites par Harvey et par lui-même. Et en lisant les traités des Harvey sur la circulation du sang, ce que j'ai fait, mais que les auteurs du bouquin n'ont pas fait, je crois, ce sont les De motu cordis et sanguinis in animalibus 1828 et Exercitationes duae anatomicae de circulatione sanguinis 1649, on peut trouver une quantité énorme de passages qui parlent de vivisection sur toutes sortes d'animaux. C'est une hécatombe complète. Oui. J'ai même trouvé un passage où Harvey se moque des anatomistes en disant qu'il n'arrivait pas à comprendre la mécanique de la circulation du sang parce que justement il s'est limité à ouvrir des corps déjà morts, alors qu'il dit clairement qu'il faut expérimenter sur des animaux vivants et de toutes les espèces. Alors, que ça nous plaît, que ça ne nous plaît pas, on a découvert la circulation du sang en utilisant malheureusement les animaux. Ce sont des minuties, peut-être. On pourrait bien dire qu'elles concernent seulement les historiens de la médecine et pas les militants contre l'expérimentation animale. Mais il me semble important de réfuter cette erreur, d'insister. Et pour expliquer pourquoi ça me semble important, je vous renvoie au doute que j'avais en 2002. Et j'ai dit tout à l'heure que j'ai m'interrogé à propos de la nature du consentement que j'avais donné si spontanément aux explications des scientifiques anti-sexualistes. Donc la réponse que je me suis donnée à l'époque, et qui, malheureusement, me semble de plus en plus vraisemblable, est que les militants pour les animaux reproduisent dans leur relation avec les scientifiques anti-vivisectionnistes le même mécanisme qu'ils reprochent aux gens qui ont confiance dans le vivisecteur. Un mécanisme de soumission aveugle à l'autorité d'un savoir qui se veut fort et objectif. L'appel à la science, à la vraie science, ça c'est scientifique, ça ce n'est pas scientifique. Je ne sais pas dans quelle mesure l'argumentaire scientifique contre l'expérimentation animale s'adresse à la communauté scientifique. Théoriquement, il s'adresse aussi à la communauté scientifique. Comme je l'ai dit, les scientifiques savent depuis toujours qu'il y a des différences plus ou moins grandes, plus ou moins importantes entre les espèces vivantes. Ils savent très bien que les expériences les plus concluantes pour l'espèce humaine sont celles conduites sur les humains eux-mêmes. Du coup, je crois que l'argumentaire scientifique adressé aux scientifiques peut marcher pour ce qui concerne les nouvelles technologies qui peuvent désormais remplacer l'expérimentation animale, mais qui n'est pas pris au sérieux en tant qu'argumentaire méthodologique général. D'ailleurs, l'argumentaire scientifique contre l'expérimentation s'adresse en bonne partie au public non spécialisé, auprès de qui il a le plus de succès. Bah, il est évident que n'importe quel militant aime les raccourcis qui semblent faire avancer sa cause. Mais ce qui me semble très grave est que dans ces cas, l'adhésion aux arguments scientifiques est déguisée en conviction raisonnée. En d'autres mots, l'argumentaire scientifique prétend changer les opinions des gens en donnant des explications rationnelles et des démonstrations évidentes. Voilà encore Antidote. Bon, je n'ai pas le temps à chercher, mais il est écrit que Antidote Europe démontre par un raisonnement simple qu'aucune espèce animale n'est le modèle biologique d'une autre. Donc il explique par un raisonnement simple. Oh, la vérité, à mon avis, est qu'on a besoin d'un certain degré de formation spécialisée avant d'arriver à avoir une conviction profonde, solide, raisonnable concernant n'importe quel sujet. À plus forte raison s'il s'agit d'un sujet scientifique. Ainsi, les scientifiques anti-vivisectionnistes sont en mesure de convaincre de l'inutilité de l'expérimentation animale seulement les personnes qui sont déjà contre l'expérimentation animale et qui le sont pour d'autres raisons, pour les animaux ou parce qu'ils professent une religion non violente. Ces personnes qui n'ont pas les connaissances scientifiques nécessaires, et moi je suis parmi elles, je n'ai pas les connaissances scientifiques. Donc, nous qui n'avons pas les connaissances scientifiques nécessaires pour approfondir réellement et sérieusement les questions soulevées, ces personnes embrassent l'idée de l'inutilité des tests sur les animaux simplement parce qu'elles ont confiance dans les scientifiques qui la soutiennent, dans leur curriculum, dans leur exhibition d'autorité, bref, pour les mêmes raisons pour lesquelles d'autres personnes, la plupart malheureusement, sont convaincues de l'utilité et de la nécessité des tests sur les animaux par le vivisecteur, qui exhibent les mêmes marques d'autorité. Encore un exemple tiré du site d'Antidote. Voilà, là c'est... Antidote Europe est un comité scientifique. Notre comité s'oppose à l'expérimentation animale pour des raisons strictement scientifiques. Notre président et nombre de nos membres sont des chercheurs d'envergure internationale et nous pensons donc pouvoir légitimement nous exprimer sur ces sujets. Je suis tombée sur un autre site français qui s'appelle Stop Vivisection. Je pense que je ne l'ai pas, mais j'ai imprimé quand même. Bon, si quelqu'un veut consulter, il est imprimé. Oui. Le site est Stop Vivisection. Oui, c'est ça. Réclame son indépendance de pensée et son autonomie de jugement en écrivant contre les doctrines de Singer et de Reagan. Pas bien comprise, il faut dire. Ils écrivent « Il est le temps d'arrêter de suivre bêtement une doctrine, quelle qu'elle soit, mais c'est responsabiliser en commençant par penser par soi-même, sans attendre qu'un pseudo-sauveur politique, religieux ou philosophique agisse ou parle à notre place. » Alors que cette revendication est immédiatement contredite par les recours au verbe divin anti-vivisectionniste de deux experts scientifiques de service, qui évidemment ne sont pas des pseudo-sauveurs, ils sont des sauveurs de profession, ce qui est prouvé par le curriculum professionnel que les rédacteurs ne négligent bien entendu pas de produire. Justement, ce qui est amusant est que l'autorité des scientifiques contre la vivisection se fonde sur l'exhibition de leur pleine appartenance aux institutions scientifiques officielles, les mêmes qu'ils critiquent. Alors que ce serait plus logique, à mon avis, de souligner une prise de distance du milieu académique. En conclusion, moi qui n'ai pas une formation scientifique mais humaniste, et qui suis quand même contre toute expérimentation animale, j'ai examiné certains aspects de l'argumentaire soi-disant scientifique contre l'expérimentation, j'ai trouvé des points obscurs, des raisonnements superficiels, même des véritables faussetés. Je crois avoir le droit de me demander quelle est la plausibilité de cet argumentaire face aux scientifiques, aux spécialistes d'épistémologie, aux historiens de sciences de la vie. Mais surtout, à part la plausibilité, est-ce que c'est une bonne stratégie pour le mouvement, pour les animaux, celle de réduire l'opposition à l'expérimentation animale à une querelle épistémologique, au lieu d'en dénoncer clairement et fermement les prix éthiques? Les querelles épistémologiques, à mon avis, ne concernent que les spécialistes d'épistémologie. Elles ne nous concernent pas. Je trouve que c'est malhonnête de demander aux gens de répéter un jugement sur la valeur scientifique du méthode scientifique. On n'est pas des scientifiques, nous. Est-ce que le mouvement contre le nucléaire aurait plus de chances d'avancer en essayant de prouver que la fission nucléaire, en fait, ne marche pas, qu'elle n'est pas scientifique, au lieu de dénoncer ses risques et ses effets? Le moment n'est-il pas arrivé de se débarrasser de ces notions floues et dogmatiques de scientificité et poser la seule question appropriée, difficile, épineuse, mais appropriée? Est-il tolérable, est-il juste que nos connaissances biologiques et médicales avancent grâce à la manipulation, à la torture, au massacre d'êtres vivants, sensibles et conscients? À vous la réponse. Peut-être, mais moi je pense que ce sont des scientifiques qui sont contre les tests sur les animaux pour des raisons éthiques et qui pensent vraiment que utiliser l'argumentaire scientifique marche mieux, que c'est une stratégie plus efficace pour les raisons d'autorité que je viens de montrer, parce que les gens se font suivre. Se font influencer quand on leur dit c'est scientifique, c'est pas scientifique. Et je pense que les scientifiques savent bien que l'argument scientifique n'est pas 100% valable. Même s'il y en a certains qui sont très dogmatiques, je les ai rencontrés, c'est pour ça que j'ai commencé à avoir des doutes. Parce que je me demandais, mais est-ce que s'il y a une expérience valable, théoriquement, j'imagine que dans 10 ans, on trouve qu'il y a une expérience valable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une fille qui faisait des études de biologie, qui m'a regardé, la souris. Non, il n'y en a pas. Bon, comment tu peux le dire? C'est un cas théorique. Théoriquement, je peux bien l'imaginer. Tu vois, alors, c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Mais je pense que les plus intelligents, il y en a certains qui sont intelligents, qui sont... Mais je pense que c'est surtout une stratégie pour le public. Et que face aux autres scientifiques, le truc est surtout sur le remplacement des méthodes. Mais le fait de dire c'est scientifique, c'est pas scientifique, c'est surtout pour le public. Et ça, je le trouve très malhonnête. S'il y a quelqu'un qui est plus au courant que moi, parce qu'il y a, des règles pour le bien-être des animaux. Alors, il est dit qu'il faut les endormir avant de pratiquer l'expérience, sauf si ça nuit à l'expérience même, qu'il faut ne pas les faire souffrir. En Italie, il y a aussi, il est dit qu'il ne faut pas utiliser le même animal deux fois pour une expérience qui est très douloureuse. Et puis, il y a aussi toute l'expérimentation en psychologie que je trouve la pire. Quoi. Des expériences douloureuses Pardon ? Des expériences douloureuses Toujours. Oui, douloureuse. Oui, il y a des expériences douloureuses. En psychologie Bon, il y a l'expérimentation en neurosciences. Oui. Et ça, c'est pour étudier l'activité du cerveau, pour comprendre comment on pense, comment on connaît, comment on s'aperçoit de la réalité. Alors, on utilise des singes, la plupart des fois, on a utilisé des singes. Et puis, il y a des expériences où, par exemple, j'avais lu une expérience où on mettait une substance dans le cerveau d'un singe, puis on lui montrait des trucs, puis on le tuait, et puis on faisait la section du cerveau pour voir quelles étaient les places qui avaient été affectées par l'expérience, un truc comme ça. Et puis il y avait aussi des expériences qui n'impliquaient pas des vivisections. Et celle la plus célèbre, malheureusement la plus horrible, c'était celle de Harlow. Tu connais Harlow? Jamais entendu parler? C'était à l'époque de la psychologie comportementiste, le behaviorisme comportemental. Et là, c'était un psychologue qui voulait étudier comment ça se forme le lien entre la mère et les petits. Alors il a utilisé des singes, il a enlevé le petit à la mère immédiatement après la naissance. Il a construit des trucs des mères poupées. Des sortes de... Les substituts de la mère. Il y avait une poupée fait en tissu, donc doux, et une poupée métallique. Alors, il étudiait lesquelles le petit choisissait. Et puis, il y avait un truc que la mère, le poupée, respingerait. Oui, repoussait l'enfant. Et il y avait plein de variantes. Oui, plein de variantes. Et puis, c'est dommage que je n'ai pas les images avec moi parce que c'est vraiment dur, c'est horrible à voir. Il y a le petit qui s'attache à la mère. Quoi ? Mais c'est, tu vois, mais c'est pour être au courant parce que maman n'est pas jamais de cette expérience-là. Et donc, il y a ce petit qui est tout attaché à ses poupées, et puis tu imagines la poupée qui le repousse. Trucs métalliques avec des lames coupantes. Oui, pas coupantes, mais c'était quand même un truc métallique qui faisait comme ça. Il repoussait et puis il revenait et puis il était repoussé encore. Alors il tombait déprimé. Il y a une imagine de petit dans un coin de la chambre, tout comme ça. Et puis il étudiait aussi la dépression sur les singes par l'isolation. Il prenait des petits singes, il les enfermait dans des singes nouveau-nés qui mettaient en isolement pendant des mois, des puits. Des puits, sans stimuli, sans bruit. Il disait qu'il essayait. Qu'il déprimait, quoi. Il y a une citation là de Rameau qui va se faire. Producteur de désespoir, déjà, c'est vrai, à la base, il dit qu'il voulait étudier l'amour, quand même. Oui, il le dit comme ça, entre la mère et lui. Et après, il dit, nous avons passé ces 4 dernières années dans une profonde dépression, heureusement la dépression des autres et non la nôtre. Et nous considérons cette période de la recherche animale comme une des plus réussies, des plus prometteuses que nous ayons vécues. En fait, c'est quand même un mec hallucinant, parce qu'il a fait une série d'expériences, donc il a créé les singes Vétus, il en a fait vraiment tout qu'on a. Dire que c'est des objets liquides, c'est là justement où il étudie plus vivant et il crée des trucs quoi, auxquels il a pas absolument aucune importance. Et à chaque fois, il a créé des nouvelles variables, c'est-à-dire quand ces expériences ne marchaient pas, il a dit « Oh, c'est un autre facteur comportemental », donc il a relancé une autre type d'expérience. Quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ce qui est intéressant aussi avec Carlos, c'est que c'est en éthologie à la base et qu'il y a vraiment ce prestigieux de la science moderne qui dit qu'on doit en passer par l'expérimental. Enfin, c'était une époque où on étudiait beaucoup l'éthologie naturaliste. Et lui, il avait vraiment ce désir de faire science. Et faire bien science, ça passait forcément par les conditions de laboratoire. Voilà. Oui, et les conditions de la psychologie. Oui. Enfin, c'est là où moi, ça me semble assez adhérent de la faire aussi sur le terrain scientifique. La fête qui ce que font les Express, même si effectivement il y a un côté d'hypocrisie. Dans une stratégie. Mais tu vois, l'hypocrisie, c'est pas toujours aberrant. Enfin, hier, on parlait de Spira, ce qu'il a fait aux États-Unis, mais c'est de là qu'il part, Spira, quand même. C'est il part du fait que pour faire passer l'intérêt des animaux, il faut aussi parler de l'intérêt des autres acteurs, sinon ça ne passera pas. Enfin, et la plupart des victoires, elles sont un peu punies comme ça, quand même. Parce que Ferro, justement, il fait pas seulement. Il s'est attaqué au Muséum d'histoire naturelle de New York, je crois. À son laboratoire qui faisait des expériences sur les chats, en gros sur les castrations, sur l'influence sur le comportement sexuel des chats, les castrations. Donc pareil, il a fait dans des conditions expérimentales en reproduisant beaucoup des expériences. Et la campagne de Spira, ça n'a pas été que sur la mutilation des chats, mais est-ce que vous voulez que vos impôts servent à connaître le comportement sexuel des animaux castrés, en gros. Et il l'a vraiment fait sur le double. Enfin, c'est à la fois il s'est passé le discours sur l'animal et à la fois il s'est passé le discours un peu hypocrite, c'est vrai, sur vos impôts, est-ce que vous voulez que ça serve à quelque chose qui sert à rien et qui est en plus inutile. Et c'est comme ça qu'il a obtenu l'arrêt de ses expériences quand même. Et que, il y a une différence, je pense, entre ce que disait hier l'exposé de Yves hier où il faut effectivement développer une pensée en soi, par exemple contre le spécisme. Donc une conversation comme ça vaut le coup de ne pas rentrer forcément dans les arguments sur les intérêts des humains et de s'en tenir aux intérêts animaux. Par contre, dans des stratégies politiques où il s'agit de faire arrêter des expériences claires, à mon avis, il faut être beaucoup plus... Mais ça ne marche pas. Hypocrite. Mais ça ne marche pas. Malin, mélanger les intérêts, réussir à faire passer un discours à travers celui d'un autre. Écoute, les personnes qui ne sont pas contre l'expérimentation animale, qui ne sont aucunement concernées par les animaux, qui ne soucient pas des animaux, ne vont pas croire que les tests sur les animaux ne sont pas scientifiques. Parce qu'il y a plein de scientifiques, plein d'autorités qui disent le contraire. Pourquoi ils devraient faire confiance à nous? Je ne sais pas, la critique de justement c'est Singer qui a beaucoup attaqué Arnaud et qui l'a attaqué sur le terrain. Qui a attaqué? Il a attaqué les expériences d'Arnaud, pour la force dans les livres, qui en parle, et il a attaqué sur le terrain scientifique et sur justement l'idéologie de la reproductibilité de l'objet mutilé. Mais ça a marché auprès de scientifiques. Mais c'est parce que le paradigme scientifique est tombé. Ces paradigmes-là, on ne l'utilise pas. C'est vrai. Sur la question de... Et ce qui est intéressant par rapport à Harlow, est que je lui disais qu'il étudiait ça. Finalement, il voulait démontrer que pour que le petit enfant puisse développer une liaison affective, émotionnelle avec la mère, il ne faut pas forcément que la mère reste avec lui. Il suffit un contact. Non, un substitut. Oui, il proposait de créer des substituts pour les petits enfants, pour donner la chaleur, le contact physique, pour que les mères puissent aller travailler. Et ça, c'est intéressant sociologiquement, je trouve, politiquement. Ça vaudrait la peine de travailler dessus. Enfin, sur Harlow précisément, moi je pensais au début, enfin, après avoir lu ce que dit Singer sur Harlow, que enfin, d'une part je trouvais ça tout spécialement dégueulasse, enfin je sais pas si c'est objectif, mais moi ça me touchait comme étant particulièrement dégueulasse comme truc, et aussi comme étant effectivement inutile, c'est-à-dire que démontrer qu'il faut un contact entre la mère et l'enfant, et que l'enfant va mal si on le sépare de sa mère et qu'on le met dans un puits pendant 6 mois, il n'y a pas besoin de ça. Sauf qu'il y a un livre qui est paru et dont j'ai lu une critique sur Internet, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est avec quelqu'un qui parle de Harlow, qui décrit sa vie, qui en fait, quand on lit ça, on voit le bonhomme moins comme un monstre, et qui le place dans le contexte, et c'est un livre qui pose la question, est-ce que c'était justifié ces expériences. Donc c'est un livre qui essaye d'être ni pour ni contre, enfin je veux dire qui n'est pas totalement dans un sens, et l'argumentation de ce livre, hein, je ne me rappelle pas exactement le détail et les circonstances, mais que ça a été socialement utile. Alors, je n'avais pas entendu ce truc que c'était pour amener la possibilité que la mère puisse aller au travail, mais c'était, tel que je m'en souviens, c'était qu'avant ça, ça ne paraissait pas du tout évident qu'il y avait la nécessité de la présence de la mère, et que grâce, entre guillemets, aux expériences de Harlow, qu'un des effets importants des expériences de Harlow est qu'on a beaucoup plus développé après, enfin que ça a servi d'argument pour développer beaucoup plus le point de vue qui permette de valoriser le contact entre la mère et l'enfant et d'y accorder une vraie importance, et donc que ça a eu des effets d'après ce livre. Alors moi je ne sais pas si ce livre disait vraiment la vérité ou n'était pas assez biaisé, mais en tout cas ce livre défendait ça, et moi en lisant ça je me disais mais oui c'est vrai, ça a été utile, il y a eu beaucoup de choses, ça a permis d'amener beaucoup de gamins à être traités beaucoup mieux, etc. Et du coup je me disais bon ben face à ça, moi il me reste que la question, est-ce qu'il est juste de faire ça sur des animaux, en plus des animaux qui sont, je veux dire, psychologiquement, c'est bien évident que ce sont des animaux proches des humains, vu que par définition, il fallait bien qu'ils soient proches des humains pour qu'on en tire une leçon, quelle qu'elle soit, dessus. Je veux dire, en psychologie, c'est encore plus vrai quand... Pardon ? En plus, ces conditions expérimentales-là, les éloignent des humains. Enfin, il y a aussi ce fait que... Ben, les éloignent. Le sacrifice qu'il fait, même si on pourrait discuter la validité du modèle Saint-Jésus par rapport à l'humain, mais le modèle Saint-Jésus modifié par le dispositif d'Arnaud, il est encore plus loin de l'humain. Donc non. Moi, je suis là, pas... en train de dire que ces résultats étaient intéressants. Mais moi, je trouve ces que... résultats étaient atteignables par d'autres types de méthodologies, ça c'est évident. Enfin, je veux dire, des orphelins, qu'ils soient humains ou animaux, on peut les étudier autrement qu'en les créant dans un laboratoire. Enfin, là, c'est vraiment la croyance dans le dispositif laboratoire. Enfin, ces résultats-là, il y a eu d'autres expériences dessus. Peut-être, mais il n'empêche que si la même chose avait pu être faite, si on avait pu avoir les mêmes résultats sur des êtres non sensibles, je n'aurais pu qu'applaudir. Et que je pense que dans le fond de tout le discours d'Antidote et d'autres, si on met vraiment de côté la conscience qu'on a du fait que ce sont des êtres sensibles, C'est un peu un truc qui m'a frappé dans l'exposé d'Agnès, c'est que si on lit ça vraiment en mettant de côté l'idée que ce sont des êtres sensibles, j'ai l'impression que tout le discours d'Antidote, il tombe par terre, quoi. Il tombe à 90%, c'est-à-dire il y a des choses qui sont à récupérer dedans, bon, comme dans n'importe quelle critique méthodologique de la science ou des trucs comme ça, mais que ça ne tient pas debout et que ça ne tient debout que parce qu'on a à l'arrière-plan. Je veux dire, bon, on pourrait dire, oui, on aurait pu obtenir les mêmes résultats autrement, ou c'est pas exactement un modèle fiable et tout ça, mais si on suppose que ces singes étaient des êtres non sensibles, si on suppose que c'était qu'on avait fait le même genre d'expérience avec toute l'artificialité qu'il y a dans les conditions expérimentales et tout ça, sur des bouts de bois, et que ça avait été aussi significatif par rapport aux humains, bon, a priori c'est impossible, puisque justement c'est des études de psychologie. Et je veux dire, si on met de côté toute préoccupation éthique par rapport aux animaux, eh ben, je veux dire, moi, Arlo, je ne peux qu'applaudir. Enfin, je ne peux qu'applaudir, il faudrait enquêter plus, savoir dans quelle mesure c'était utile, ou quelque chose comme ça, mais je veux dire, a priori, je trouve ça très bien. Oui, donc je suis pas sûr, peut-être que j'ai pas tout compris, mais peut-être la vérité, je sais pas. Mais par exemple, on a un peu critiqué la comparaison entre animaux et humains, et c'est pas l'expérience sur les animaux pour avoir des, par exemple, des médicaments pour aider la perte des humains, en fait. Mais malgré les problèmes qu'on a mis en lumière, quand même, donc, grâce à ça, parce que la question est posée à la fin, que c'est quelque chose auquel on est quand même un peu obligé de s'affronter, c'est de savoir l'expérimentation animale est utile, et je pense que personne ne pourra réellement démontrer qu'elle n'est jamais utile, etc. Donc, s'il existe des cas où l'expérimentation animale est utile, qu'elle peut sauver des vies humaines, etc., etc., quelle est la position qu'on prend ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'elle devrait être abolie quand même ? Et est-ce qu'on est prêt à le dire et à l'argumenter en public ? Et c'est quelque chose, je dirais, que pratiquement personne n'a vraiment affronté cette question. Si, il y a des gens qui l'affrontent. Enfin, je veux dire, Tom Reagan, par exemple, a une position très claire là-dessus. PETA aussi, dans certaines de leurs déclarations. Mais je trouve en fait, que c'est difficile, quoi. C'est... Pardon ? Tu peux parler plus fort ? Oui, faut qu'à la base, il y ait une volonté aussi d'utiliser justement du genre de méthode. Ça commence à prendre, il y a beaucoup de tissus qu'on ne sait pas cultiver, qu'on ne peut pas cultiver. Oui, il y a des tissus qu'on ne peut pas cultiver, puis aussi le fait qu'un médicament peut agir autre part que juste sur l'organe contrôlé. Je crois que la plupart des cellules, on ne peut pas les cultiver. Pardon ? Le médicament, s'il n'agit pas uniquement sur la cellule qu'on cultive, s'il agit ailleurs, on ne peut pas le voir sur les cellules cultivées. On peut avoir les effets secondaires, ce qui le reste sur les cellules des nerveuses, alors qu'on essaie de le voir sur les cellules de la peau, si on va le voir sur les cellules cellulaires. Il y a un type d'expérience, par exemple, qui, dont il me paraissait clair, très très clair, que ça posait le problème éthique directement. C'est des expériences pour de régénération de tissus nerveux. C'est-à-dire que dans les gens qui ont un accident de voiture, par exemple, et que ça sectionne la moelle épinière ou ça l'endommage très fortement à un certain niveau, ils deviennent paralysés. Ils deviennent paralysés en dessous du point de section du truc. Et ils sont paralysés parce que le nerf, les fibres nerveuses qui vont vers les muscles ont été coupés ou ont été tués à un certain niveau. Alors la question, c'est comment faire repousser ces tissus. Et ils mettent au point des substances qui permettent la régénération de ces tissus, donc à terme d'amener des gens qui autrement sont paralysés pendant toute leur vie, paralysés des membres inférieurs et aussi de tout ce qui est en dessous du niveau en question, à pouvoir à nouveau retrouver leur mobilité, leur sensibilité à ce niveau-là. Donc quelque chose qui est quand même très important pour je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes ça concerne, mais je veux dire, tous les accidents de voiture et tout ça. Et pour mettre ça au point, je veux dire, ils prennent des souris, ils prennent des animaux, ils leur brisent la colonne vertébrale à un certain niveau et ils essayent de la faire repousser. Je vois mal comment ils pourraient procéder autrement, je veux dire, et je vois mal comment on peut contester l'utilité de la chose. Alors il y a une seule façon dont on peut contester l'utilité de la chose, je dirais, c'est de dire il faut remettre en cause les causes de ces, par exemple, de ces accidents de la route. Par exemple, dire qu'une autre solution, plutôt que de vivisecter des milliers d'animaux, c'est de limiter la vitesse en ville à 30 à l'heure et à la campagne à 50. Donc, de dire d'une certaine façon, on est en train de mettre en balance non pas la vie des uns avec la vie des, enfin la vie d'humains avec la vie d'animaux, mais on est en train de mettre en balance le plaisir des humains d'aller à 90 à l'heure avec la vie des animaux, quoi. Et donc de dire en dehors de ça, je pense que le problème de fond, là, éthique, il subsiste nécessairement, quoi. Il y a aussi une volonté politique de promouvoir la recherche sur les méthodes substitutives, quoi. Mais là, je ne vois pas comment on peut y avoir des méthodes substitutives. Il n'y a pas de recherche dessus, mais on peut imaginer qu'on en trouve, quoi, ce qu'on faisait. Enfin, c'est comme dans le végétarisme, si on ne remplacera pas la viande par des substituts qui ressemblent et qui sont exactement la même chose au niveau du goût et des fêtes, là, ce sera pareil. Il s'agit de pouvoir de type de science, mais on ne remplacera pas ce qui a été rendu à l'expérimentation animale. Ça paraît évident. Enfin, c'est bien pour ça que c'est le terrain plus délicat là-dessus. Hein. C'est sur l'efficacité de la science et de la science moderne, comment c'est développé jusqu'ici. Mais il faut vraiment renoncer à certains trucs. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit on a besoin de faire ces expériences sur des souris parce que sinon, vous voyez, ces enfants leucémiques vont mourir. Non, mais je veux dire, enfin, pour moi, la question elle peut se poser. Elle n'est pas. Pour moi, c'est du moment où tu te réclames d'être antispéciste, ce que tu peux dire, c'est que tous ces enfants de leucémie qui ne vont pas sacrifier des orphelins brésiliens trouvés dans la rue, par exemple, donc de la même manière, et tu ne sacrifies pas une autre espèce animale qui n'a rien demandé, qui ne retirera rien en plus pour elle-même de cette expérience. Une vie en rimote, quoi. Enfin. Je suis d'accord, la politique générale veut que les humains fassent plus que les humains, quoi. Et enfin, les autres, en ce moment, les autres personnes ne peuvent pas avoir une qualité comme ça. Mais il y a un chien, un chien qui se tiendra, quand tu me dis que ça me semble difficile. Franchement, c'est très difficile. Ce serait déjà accepté dans ce sens. Pourquoi nécessairement il en faudrait? Parce que les Grecs sont quand même utiles, donc si on n'a pas de quoi les remplacer, je ne sais pas. Mais tant qu'on n'aura pas la volonté de les remplacer, on ne trouvera pas. De toute façon, les solutions, quand les gens trouvent assez capables de se mettre sur les animaux, bah, je ne vois pas pourquoi les gens ne développent pas ce genre de méthode. Bon, par exemple, on dirait qu'on ne pourra plus se donner. Est-ce que ce n'est pas dangereux de vouloir soigner à tout prix des humains qui, à l'état naturel, alors peut-être que je vous dis une énorme connerie, mais en plus, vous les avez répondu. Qui n'auraient pas eu. Enfin, est-ce qu'il y a des limites à vouloir prolonger la vie et faire vivre des gens qui, à l'état naturel, n'auraient pas réussi à vivre, dans des cas extrêmes, par exemple. Des maladies génétiques ou des gens ont pas mal de gènes. Est-ce que ensuite on va pas justement on modifie pas le patrimoine génétique naturel de l'espèce? C'est un problème assez différent, je trouve. C'est un problème assez différent. Enfin, je vois pas bien le... par rapport à la région parlementaire. chercher les individus de se reproduire et d'être coopérations de leur point de vue plutôt que de se nourrir. Ça, c'est un peu pas connu. Oui, ça se fait déjà. Hein. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà pour les enquêtes critiques. Et par ailleurs, et avec d'ailleurs beaucoup d'enquêtes critiques, et par ailleurs, ça se fait d'une autre façon qu'il ne s'agit pas d'enrichir, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des jeunes qui leur empoisonnent la vie, et ça se fait bouiller pour ne pas reproduire ce qu'ils viennent là. Avec les conseils médicaux, etc. Parce que si Dieu, moi ce que je voulais dire, c'est que dans la nature, tu vas avoir des animaux qui vont avoir des malformations génétiques ou quoi que ce soit, qui vont être plus faibles. Il n'y a personne qui les empêche, de se reproduire. Il se trouve qu'ils vont être plus faibles pour résister à leur environnement et ils vont soit se faire attaquer, soit mourir plus tôt, soit leurs enfants eux-mêmes étant plus faibles vont mourir plus tôt. Bref, il y a une sélection naturelle qui se fait. Voilà, il faut savoir qu'il faut naturellement, même des fois, des branches, bien sûr, c'est des petits d'abord qui sont dévorés, qui se font carrément tuer par leurs parents. C'est dans la suite, c'est comme ça. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut surtout pas appliquer, enfin, je veux dire, heureusement que l'homme a la capacité de soigner et de permettre à ceux qui sont plus faibles, etc. Heureusement, bien entendu, mais simplement en poussant le truc à l'extrême, est-ce qu'on ne va pas, comment dire, provoquer une certaine, à long terme et à grande échéance, une dégénération de l'espèce humaine. C'est là où on peut utiliser les arguments spécistes contre les spécistes, parce que c'est juste quand on a des guerres, que l'on dit oui, nous mangeons de la viande parce que le lion, on mange de la gazelle et tout ça. Alors, si on veut vraiment être naturaliste, on peut faire ça. Je sais pas, j'aimerais utiliser les arguments des autres contre eux, mais c'est pas vraiment. C'est un argument que je ne vais pas utiliser Enfin, disons, moi j'ai aucune envie de dire, puisque c'est dans la nature, ça se passe comme ça, c'est bien. Maintenant, c'est vrai, je pense qu'il y a à terme, pour l'espèce humaine, un problème, enfin moi j'aime pas du tout l'expression dégénérescence parce que c'est vraiment marqué d'un certain mysticisme. Mais je veux dire, s'il y a un gène qui a des effets négatifs et qui se répand dans la population, c'est un problème. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de moyens pour essayer d'éviter ça, autre que de dire les faibles on les laisse mourir. Je veux dire. Un faible, je pense qu'il préfère continuer à vivre, même s'il ne peut pas se reproduire. Et puis en plus, je pense que je veux dire, permettre aux gens d'avoir le choix, permettre aux gens d'avoir éventuellement des avortements sélectifs avec des tests génétiques. Il y a plein d'autres moyens pour essayer d'éviter ce problème, qui est un problème qui se pose à long terme. Quoi. C'est-à-dire qu'en trouvant des médicaments pour... Je pense pas que le fait, par exemple, de guérir les myopathies, enfin de permettre aux myopathes de vivre plutôt que de mourir à 15 ans, ça soit le problème par rapport à l'évolution génétique de l'espèce humaine. Je veux dire, je pense qu'après, ces myopathes, soit ils se reproduiront pas, soit ils se reproduiront en vérifiant que leurs enfants n'ont pas ce gène ou quelque chose comme ça. Je sais pas, mais... En plus, c'est des problèmes, je veux dire, si on pose ce genre de problème, il faudrait le poser sur toute la population, parce que justement, il y a énormément de gènes qui sont récessifs, et ce n'est pas les malades qui sont porteurs de la plupart des gènes qui, à terme, peuvent poser problème. C'est tout le monde, c'est nous tous. Donc, le problème, il ne se pose pas de laisser mourir les gens pour ces raisons-là. Tout à l'heure, tu demandais quelle réponse on a, chacun collectivement, à ces questions. Est-ce que c'est légitime ou pas d'expérimenter sur les animaux en général ou dans quel cas particulier? Parce qu'il y a ça aussi, pour la question qu'il y avait au début, il y a énormément d'expérimentations différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. et en particulier en termes de nocivité pour les animaux. Mais je trouve que moi j'ai l'impression que moi j'ai pas de réponse non plus à ces questions-là, et en général j'en donne pas de bien précis, si ce n'est que je trouve que, comme ça a été dit, c'est plutôt une question du spécisme. Il me semble qu'on peut profiter là de faire avancer dans le débat, c'est de dire, comme plusieurs personnes ont dit, que si la question se pose pour les animaux, elle se pose aussi pour les humains, et que la question que nous on peut amener dans le débat public, c'est de dire si c'est légitime pour les animaux, et si on trouve qu'il y a des très bonnes raisons de sauver des gens qui sont malades et qu'on peut faire des choses pour les aider, pourquoi c'est pas légitime d'expérimenter sur les humains, quoi. Et d'amener à se questionner pourquoi est-ce que c'est totalement proscrit d'un côté, encore que, mais enfin, a priori, totalement proscrit d'un côté et très largement utilisé avec, dans les faits, très peu de contraintes de l'autre. Pourquoi est-ce que c'est légitime, et amener dans le débat à ce qu'on nous donne des raisons, à ce que les gens réfléchissent à qu'est-ce qui fait une telle différence de situation. Et c'est un cas encore plus patent que pour la viande, je trouve, parce que finalement tout le monde sait quand même un peu que il y a peu de gens qui peuvent dire avec autant de force que c'est nécessaire de manger un beefsteak parce que pour telle et telle raison c'est bon, etc. Alors que quelqu'un qui dit c'est, on peut sauver des enfants malades et c'est vrai que dans certains cas ça peut aider, c'est une argumentation beaucoup plus forte. Donc il me semble que le cas de l'expérimentation animale est un cas où on peut discuter du spécisme et dire à le remettre en cause bien plus que dans d'autres domaines. Moi je vois plutôt ce domaine là comme un terrain où on peut aider à faire avancer le questionnement sur le spécisme, sa remise en cause, quoi. Après, j'ai l'impression que les réponses qu'on peut donner sur savoir si c'est légitime ou pas, elles sont dépendantes d'une vision sur le problème de l'exploitation animale, sur l'éthique, et qui dépasse largement le problème du spécisme tout court, quoi. C'est un problème plus de, comme tu faisais référence à l'utilitarisme, d'autres diront, mais non, si on n'expérimente pas sur les humains, c'est parce qu'on a une position qui est finalement pas utilitariste sur les humains, et qu'on considère que c'est proscrit de faire même une seule expérience sur un humain, même s'il fallait en sauver des millions d'autres, et qu'en théorie, en tout cas, nos lois l'interdisent, de le faire contre son gré, en tout cas, et que c'est plutôt ces problèmes-là qui se posent que la question du spécisme, là, à ce moment-là. Et je pense même que dans cette salle, ou en tout cas dans le milieu animaliste, on a chacun des réponses assez différentes. Certains qui diraient, je pense, légitime d'expérimenter, que ce soit sur des animaux humains ou non, étant non-spéciste, je ne vois pas la différence là. Ou alors, d'autres qui diraient, non, je le proscris dans tous les cas, que ce soit des humains ou des animaux, en respect de leurs droits fondamentaux, de l'un comme de l'autre. Voilà, enfin, c'est pour ça que moi j'ai pas fait de réponse. La question que pose David, moi à titre personnel, et quand on m'interroge là-dessus, j'ai pas de bonne réponse. Mais je renvoie plutôt une question, de dire ben, si on pense qu'il faut pas le faire pour les humains, pourquoi c'est si facile de le faire sur les animaux, et est-ce que c'est légitime, quoi. Justement, quand j'ai soutenu mon mémoire l'année dernière, on m'a contesté le fait que j'avais écrit juste une phrase contre le fait d'utiliser des animaux dans la science. Et on m'a dit, ah, mais en utilisant des animaux, on a acquis plein de connaissances. Et l'argument scientifique m'est venu à l'esprit, c'est presque automatiquement, j'ai failli le dire, parce que c'était tellement simple de dire, mais non, c'est tout faux, ce n'est pas scientifique, c'est tellement simple. Puis j'ai arrêté, j'ai dit, mais il y a les entreprises pharmaceutiques qui expérimentent sur les enfants en Afrique. Et ça, c'est le même cas, c'est la même chose. Ce n'est pas juste d'expérimenter sur quelqu'un pour le bien de quelqu'un d'autre. Alors, c'est cette personne qui était catholique, il a dit, mais là, il s'agit d'humain, d'être humain. Là, il y a une différence, c'est encore différent, il s'agit de personnes. J'ai répondu, mais justement, je viens d'écrire en mémoire où je mets en question la différence entre les humains et les non-humains. Elle est restée tout étonnée, comme s'il n'arrivait même pas à concevoir que quelqu'un pouvait remettre en question la différence. Tu vois, et là, c'était le spécisme. Et puis, on m'a dit, mais donc, si on n'utilise pas les animaux, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai dit, ben, il faudrait, pour une médecine pour les humains, il faudrait utiliser des humains. Et on va tirer à la courte paille, j'ai dit. Tirer à la courte paille. Oui, j'ai dit que c'était la solution éthiquement plus logique, plus juste. Mais puis après, j'ai réfléchi sur. justement sur la nature de la pratique expérimentale de les sciences de la vie, et sur le fait que effectivement une certaine direction de recherche implique d'utiliser des êtres vivants, sensibles et conscients dans les expériences des laboratoires. Alors il est vrai que maintenant il est interdit d'expérimenter sur les humains, mais il est vrai aussi que ce n'est pas été toujours interdit, comme je viens de le dire. Il y a des cas où on a expérimenté sur les humains. Et je pense que après la guerre mondiale, on a écrit le code de Nuremberg pour dire que c'est complètement interdit d'utiliser des humains qui ne sont pas consentants, voilà. Et puis on a écrit plein de trucs après pour définir de plus en plus, pour préciser de plus en plus les règles pour expérimenter sur les humains. Mais je pense que la médecine expérimentale doit utiliser pour son essence même, elle a besoin d'utiliser des êtres vivants. Ça ne marche pas avec les cellules, pas entièrement. Et je pense qu'il faudrait abolir la médecine expérimentale, il faudrait avoir une médecine différente avec des paradigmes différents, comme dans les cas de la médecine ancienne, la médecine clinique. Abolir du tout le fait de faire des expériences dans les sciences biomédicales. Parce que je pense que suite à la morale de la société, suite au changement au niveau politique, au niveau culturel, au niveau social, la ligne, le critère de choix des victimes peut changer. Alors, il est arrivé qu'on a utilisé des humains, maintenant on ne les utilise pas. Mais on peut toujours imaginer que dans une société totalitaire, nazie et quoi, on utilise à nouveau des humains. Je veux dire, c'est le critère des choix est très, très changeant, ça change tout le temps. Et je pense que c'est un danger continu. C'est une possibilité qui reste ouverte d'expérimenter sur les humains. Alors je pense qu'il faut critiquer en général, je ne sais pas si je m'explique bien. Tu comprends un peu? Oui. Je pense qu'on devrait abolir complètement le fait d'utiliser des cobayes humains, non humains, dans les laboratoires et chercher d'autres paradigmes scientifiques. Moi, je pense ça. Moi, je m'interroge, c'est que c'est vrai qu'on parle d'expérience médicale avant tout sur l'ensemble, puis que si on va avancer. À un moment, je me dis, ok, d'accord, cette discussion, il y a tout ça qui se pose. Si on imagine qu'on a rêve, bon, on va avoir eu tout ce qui a été trouvé. On va avoir tout ce qui a été trouvé. Il y a quand même eu un certain nombre d'avancées médicales là-dessus. On l'utilise. Comment on peut continuer effectivement à faire avancer le bien-être de tous? Et c'est pas que les humains, je pense, qui en ont profité. Je pense les animaux aussi, le monde vétérinaire s'y est mis, peut-être largement moins, mais qui a quand même eu des répercussions qui ont été aussi d'ailleurs. Oui, après, c'est dans l'idée globale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la possibilité de remettre le curseur à un autre niveau, de continuer effectivement à avancer et de réajuster en quelque sorte. On a appris l'esclavage, on a pas détruit les routes qui avaient été construites par les esclaves, enfin, c'est pas la question. C'est pas ça que je dis. Je dis pas sur ce qui a été fait, je dis c'est à partir de maintenant, qu'est-ce qui peut se passer pour rééquilibrer d'un côté et de l'autre. On parle d'expériences humaines ici qui ont été faites, et puis tout simplement, écoutez, je disais très loin, quoi. C'était moi, dans mes expériences individuelles, ma mère a eu un cancer, elle était soignée. Dieu merci. Voilà. Il y a aussi cette dimension-là qui est. Moi, je suis en train de donner des médicaments pour une maladie au cœur à ma chienne, et ce sont des médicaments pour les humains qui ont été testés sur les animaux. Pour les humains, et je les donne à ma chienne et ils marchent aussi. Je me dis, c'est du délire. Mais je n'ai pas le courage d'arrêter. Moi, je ne prends presque pas des médicaments, mais comment choisir pour elle? Oui, c'est ça qui est compliqué qui est dans cette question, c'est que c'est vrai que ça, ça pose question, parce que tout à l'heure tu disais que la science elle a énormément évolué quand il y a eu des régimes totalitaires qui ont mis en place un certain nombre de choses. Quand c'est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont vu tous les résultats, c'était horrible, mais n'empêche qu'il y avait énormément d'informations qui sont ressorties de ces moments-là. Et que faire avec tout ça? Effectivement, comment faire avancer, Mais là aussi, il y a toute une campagne pour dire que les expériences des nazis étaient complètement folles. Que c'était pas de fausse, ouais. Fausse, folle. Oui, folle. Folle, que c'était des sadiques et tout ça. Bon, il y avait un certain mesure de sadisme, je pense. Il y avait aussi des expériences sur la pression. La décompression. Oui. Et sur la résistance aux basses températures pour les pilotes d'avion. Ouais. Et qui étaient valables et qui ont été utilisées après sans dire quelle en était la source. Mais je trouve, significatif le fait que le discours courant sur la médecine nazie est qu'elle était une folie totale. Une folie totale. Parce qu'on n'accepte pas le fait que la médecine, la pratique expérimentale en soi est neutre. Elle peut utiliser neutre. On pourrait utiliser n'importe quel individu, parce que, comme je le disais, on a besoin d'utiliser des individus vivants. Donc, ce n'est pas la pratique expérimentale qui se donne des limites, quoi. On pourrait utiliser n'importe quel individu, humain, animal. Et là, il s'agit du contexte politique. Maintenant, on utilise les enfants du tiers monde. Que ce soit les animaux, que ce soit les gens dans les pays, que ce soit les malades, dans le cas... Les prisonniers... C'est la dernière chance, tu l'utilises pas. Donc on teste aussi là-dessus. Alors, on a du mal à comprendre qu'il y a une sorte de mécanisme automatique qui utilise les individus, là. Et le choix des individus dépend de la société. Dès la culture, des idées morales, des idéaux, de la morale, de la société. Et je pense qu'il faudrait abolir le mécanisme en lui-même. Hein? Parce que c'est quand même de la bonne science, c'est la bonne science qui utilise les individus vivants. On ne peut pas le refuser. Comme dans les cas de la médecine nazie, on ne peut pas dire que c'était de la fausse science, c'était du sadisme. Non, c'était de la bonne science. On utilisait des humains pour étudier les humains. C'est la vérité. C'est abominable, c'est horrible, mais c'est la vérité. Donc, il faut abolir la pratique expérimentale sur les individus vivants et sensibles. Ça dépend de quelle pratique on parle. Si moi, je trouve que c'était pour revenir à la question qu'hier, je crois, au début. Qu'est-ce qu'il y a, combien d'animaux sont concernés et quelles sont les pratiques? C'est extrêmement varié. Et moi, je pense que ça va... d'expériences de vivisection, de découpage d'individus vivants, parce que c'est utile dans l'expérience, d'expériences psychologiques, à des expériences où le problème principal sont les conditions d'élevage et où l'expérience en elle-même n'est pas nocive pour l'animal, où à la limite c'est sa seule distraction de la journée que d'aller courir dans un labyrinthe et que c'est quand il retourne dans sa cage que ça lui pose problème. Et que dans certains cas, et moi j'ai aucune idée du pourcentage, où le problème de l'expérimentation animale c'est aussi et d'abord avant tout un problème d'élevage, quoi. C'est-à-dire de déprivation des animaux enfermés dans des cages, sur des sols en grillage, qui sont isolés les uns des autres, sans aucune stimulation pendant la journée, etc., dans des pièces sombres, éventuellement pas nourris le week-end et super soif le lundi matin, si ça n'a pas été vérifié, etc. Et que je pense que dans un certain nombre de cas, qui à mon avis n'est pas négligeable, qui est peut-être une proportion majoritaire, c'est aussi des problèmes de conditions d'élevage, quoi, qui sont posés comme pour la viande, quoi, de la même manière, quoi. Et du coup, je pense que, enfin, en tout cas, moi, dans le peu que j'ai regardé sur les sites ou les associations qui parlaient de vivisection, enfin, je peux faire aussi appeler expérimentation animale, c'est pas très clair de savoir à la fois à quoi servent les expériences et dans quelles conditions elles se menaient en termes de qu'est-ce. Quel préjudice ça porte aux animaux, quoi. Moi, je trouve que ça devrait être important. Enfin, si on pense que quelque chose doit être aboli ou limité très sérieusement, on doit savoir qu'est-ce que ça impacte en de nombre d'animaux et de quelle manière ça les impacte, quoi. Enfin, si je suis contre la viande et le foie gras, c'est parce que je pense que c'est nuit aux animaux d'une manière qu'on a étudiée et qui est suffisamment claire et nocive pour eux pour mériter qu'on abolisse la pratique, quoi. Et dans le cadre de l'expérimentation animale, moi j'ai un moyen des militants, on n'est pas très informé, on n'a pas une très bonne idée en fait. Les expériences de Harlow, moi je comprends que ça ne se pratique plus, quoi. Voilà. J'ai remarqué que quand les vivisecteurs répondent aux arguments des militants, ils se focalisent sur deux points. Le premier est l'utilité et le deuxième est la souffrance. Alors ils disent, c'est utile d'expérimenter sur les animaux, c'est en répondant à l'argument scientifique. Et deux, les animaux ne les souffrent pas parce qu'on les élève très bien, dans des bonnes conditions, on fait beaucoup d'attention, on pratique la anesthésie et tout ça. Oui, mais ça c'est eux qui le disent, on ne peut pas faire confiance. Quoi ? Je dis ça pour défendre les pratiques, mais je veux dire. Tu veux dire que tu connais ma réponse, tu devrais imaginer quelle est ma réponse parce qu'on a discuté à propos de l'élevage. Pour moi, c'est la même logique. Je veux dire, il faut abolir le mécanisme. Même si on élève bien les animaux, même s'ils ne souffrent pas, même si ce sont des expériences pas horrible comme celle qu'on a vue dans le film de la PMAF. Moi, je trouve que c'est un mécanisme, même si à un certain moment, il n'y a que des situations qu'on peut juger acceptables, par exemple un élevage en plein air où on ne tue pas l'animal, comme on disait dans la liste, ou par rapport à l'expérimentation, s'il y a des expériences qui ne nuisent pas l'animal, qui ne lui font pas du mal, il est bien élevé, tout ça, je pense que tant que les mécanismes restent entiers, intacts et qu'il n'est pas mis en discussion, il reste le danger de retomber, que la ligne repousse à nouveau en avant et on recommence à faire des expériences petit à petit plus graves. Mon point de vue, c'est qu'il faut abolir le mécanisme. Est-ce que tu es contre les expériences de Piaget sur les enfants ? Les expériences de Piaget qui a étudié comment les enfants humains développaient leur capacité cognitive, de quelle manière ils apprenaient les notions de forme, de longueur, d'équivalence de poids, etc. On observe des enfants, on leur donne de la pâte à modeler, on leur prend une boule en pâte à modeler et puis on la fait en rond, on leur dit regarde cette pâte à modeler, on l'étale et on le fait en plus long. Puis on demande si la boule est plus lourde que le serpent qu'on a fait avec la pâte à modeler, pour savoir s'ils ont acquis la notion de la conservation du poids, acquis, celle du langage aussi. Ce sont des expériences faites sur des enfants humains. Est-ce que tu penses qu'elles sont acceptables ou pas, ces expériences? Moi, je les ai faites avec mes enfants. Première réaction, je n'aime pas l'idée en soi, mais je n'ai pas trop réfléchi dessus, sincèrement. Mais quand j'ai suivi mon cours de psychologie à la fac, le prof a parlé, il expliquait encore le comportement, comment vous avez dit, le behaviorisme. Oui. Comment on dit en français? On dit behaviorisme. Behaviorisme, oui. Il y avait un psychologue qui a fait des expériences sur ses propres enfants en utilisant un réflexe de peur par rapport, je crois, aux petits objets blancs. Je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agissait. Mais quand même, l'enfant avait peur chaque fois qu'il voyait un objet, un petit objet blanc. Et moi, j'ai dit, mais c'est horrible. Tout le monde s'est taisé. Tout le monde est resté en silence. Moi, j'ai dit, c'est horrible. Et le prof a dit, mais après, il a induit le réflexe opposé. Dans le sens, il a donné un biscuit. Non, il a annulé les réflexes. Et dans ce cas-là, je trouve que c'était horrible. Là, on a vraiment manipulé un enfant, à mon avis. Mais ça, c'est la supposition que ce que vit un enfant n'a aucune importance si ça ne laisse pas des séquelles quand il sera plus grand. Des traces, si ça ne... Oui. Dans le cas de la pâte à modeler, les bouts de pâte à modeler, il n'y a pas donc je dis, l'idée en général d'expérimenter sur les enfants, je ne l'aime pas. Mais là, si c'est vraiment un truc où les enfants ne sont pas manipulés, ils sont en train de jouer, on les observe. Oui, oui, oui, d'un certain point de vue, c'est vrai. L'éducation de l'enfant, c'est ça. Ça aussi. On perd de vue. Oui. C'est quand on est dans l'expérience, quand on est dans l'éducation d'un enfant. Oui. Et oui, on oui. est aussi dans l'induction d'un certain nombre de choses, parce qu'on est dans de la modélisation. Oui, oui, tout à fait. Et on est dans la construction de l'individu. Et qu'on va opter pour un choix ou un autre par rapport à ce qu'on souhaite obtenir chez l'enfant. Oui. On est dans l'expérience. Mais pour revenir à la question de savoir est-ce qu'il est légitime de tuer de faire telle ou telle expérience si ça sauve des gens et tout ça, et enfin je trouve que là c'est quand même utile de faire référence à ce qu'on disait l'autre jour sur le fait que en tant que consommateur entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, on n'a pas forcément les mêmes attitudes ou positions implicites que dans nos choix politiques. C'est-à-dire que c'est vrai que si moi, j'attrape un cancer et qu'on me dit tu peux être soigné que grâce à ce médicament développé sur les animaux, ou même, je pense, si on me dit on peut te soigner que en t'injectant cette substance extraite d'une souris qu'on aura broyée pour... exprès pour toi, j'aurais du mal à dire non. Mais en même temps, je suis pour l'interdiction du fait qu'on puisse développer les médicaments de cette manière-là ou broyer les souris pour sauver les gens. Demander aux gens d'avoir... je veux dire, souvent, c'est ce qu'on répond aux gens, aux antivivisectionnistes, on leur dit « Ah ouais, mais si t'es contre la vivisection, faut arrêter de te soigner, etc. » quoi, en disant qu'on est hypocrite. Bon, on est peut-être hypocrite dans un certain sens, mais je veux dire, je vois pas pourquoi, pour avoir le droit de prendre une position politique raisonnée sur des bases de choses auxquelles on croit, de façon non hypocrite, on devrait être des gens avec une force de volonté herculéenne. Alors que les gens en face, ils se dispensent d'avoir tout besoin de force de volonté herculéenne pour... Mais en plus, je pense que si on sait qu'on va mourir, on accepterait aussi de... Peut-être que pas. Mais on aurait la tentation d'utiliser, je sais pas, un médicament qui était testé sur un humain. Le foie d'un enfant brésilien. Voilà. On ne peut pas faire un raisonnement théorique, éthique et politique si on est concerné. On peut faire le même parallèle avec la peine de mort. Je veux dire, une personne attaque un membre de notre famille sur le vif, qu'on a envie de tuer la personne, au lieu d'avoir massacré quelqu'un à qui on tient énormément. Par contre, on peut aussi, tout en sachant que dans un cas comme ça, on peut réagir de cette manière-là, on peut être contre la peine de mort. Oui, oui, c'est un bon exemple, je trouve. Oui. Pour en revenir à la question de tout, je pense qu'il pourrait être intéressant de savoir. Quelle type d'entreprise, par exemple, de cosmétiques, etc., ou des expériences sur les animaux, donc des ingrédients qui viennent de façon qui est laissée sur les animaux. Tous. Comment on peut le savoir? Parce que moi, j'en utilise, j'en ai utilisé, et après, on me dit, ah, ça va être assez sur les animaux. En fait, tu as des magasins, par exemple, tu as des magasins à Paris, tu vois, par Paris, tu as un peu cette nature à l'air, et même dans les champs, Je crois, ou à l'étude, une fille qui dit qu'elle vient à la porte, et quand elle ne sait pas tester compliqué parce que justement, c'est un truc que les produits qui utilisaient pour ça. Mais de toute façon, je crois que ça n'existe même plus des produits, des produits qui sont eux-mêmes testés sur les animaux. Je crois que vraiment maintenant, c'est les ingrédients qui sont testés, pas les produits, chimiques. Donc, la mention, n'importe quelle marque. Donc, la peine de mort et puis l'évolution de la viande et l'histoire des agriculteurs animaux, ça se rejoint un petit peu, en fait, où c'est finalement une décision sociale, une décision commune, citoyenne, qui permet d'arrêter ce genre de choses. Effectivement, individuellement, on peut avoir des réactions complètement contraires à ce que l'on souhaite par ailleurs au niveau social, mais si on peut être pris d'une crise et choper quelqu'un, on a absolument envie de mériter la peine de mort. Finalement, c'est un degré d'humanité un peu plus élevé de se dire j'arrête la peine de mort, j'arrête l'expérimentation animale, j'abolis la viande. Ça permet de faire passer les limites. C'est pas tout à fait pareil dans le sens que l'expérimentation médicale, elle est dans l'idée d'une projection de plein de choses. La peine de mort, c'est un peu différent. Tu peux l'entendre sous cet angle-là, mais après, il y a quand même la dimension qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer la science. Oui, ça peut être une décision politique de dire oui, qu'est-ce que je fais. Tu vois, sur la paix, à l'expérience de la demande, c'est ce qu'on a dû faire, est-ce que je veux que ce soit fait, est-ce que je veux connaître une autre chose, ça vaut la paix, mais ça, effectivement, c'est un débat justement citoyen qui peut permettre d'avancer ces questions dans ce sens-là, que ça se rejoint à ces trois questions. Ce qui est scandaleux là-dedans, c'est que c'est un peu le manque de volonté à la part des scientifiques de changer les méthodes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une tradition avancée qui se perpétue. Alors que je pense qu'au niveau de la science actuelle, il y aurait des possibilités de développer d'autres méthodes. On fait des modèles informatiques pour des choses très complexes comme le climat, etc. Parce qu'il n'y a pas la volonté de financer des recherches dans la modélisation des organes vivants, dont les systèmes sont connus. Ils sont complexes, certes, mais on a les moyens aujourd'hui de reproduire virtuellement, je pense, la plupart des mécanismes humains, des mécanismes organiques. Et voir de faire des micro-expériences sur un groupe de cellules qui puissent être complètement inoffensives pour l'ensemble du corps. Mais là, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas assez de militantisme de la part des scientifiques même, je pense. Les scientifiques sont peut-être payés par les firmes pharmaceutiques qui ont une rentabilité élevée. Pour la plupart, les médicaments, c'est ce genre de choses. Après, le temps qu'on va faire une recherche. Et puis, tu n'as pas une opposition claire de la population, quoi, aussi. Ça veut dire que quoi, ils chercheraient alors que ça satisfait tout le monde. Il y a aussi une chose, c'est que la plupart des étudiants en biologie, en médecine, tout ça, ils vont faire des sacrés tonnes de souris avec tout le monde d'années qui sont à l'école. Ouais, c'est vrai. Ils sont hyper éduqués à la charcuterie. Il y a partout l'initiative, en fait. Ouais. Oui, on fait un peu. Il n'y a pas d'objection de conscience, hein, donc quelqu'un qui voudrait. C'était juste éjecté de ce circuit-là, ça change un peu. Il faut être insensible. Quoi? Ça change un petit peu. Enfin, moi, quand j'étais en fac de biologie, j'ai refusé de disséquer. Enfin, pas tout le temps, pas quand j'étais en médecine, mais je l'avais fait, mais je trouvais déjà ça délirant. Disséquer les rats, soigner peut-être éventuellement, si j'étais parmi les chanceux, 10 ans plus tard, soigner les humains. Quand je me suis trouvé en bio, on me demandait de refaire la même chose alors que moi je voulais faire de l'écologie. J'ai juste dit non. Mais on avait créé un groupe pour refuser ça. On avait juste eu zéro et réussi à rattraper le truc par le côté. Mais c'est pas le plus important. Enfin, c'est pas de la méchanceté ou du sadisme, je pense pas. La théorie parle de cécité éthique conditionnée. Enfin, c'est vraiment ça. Cécité éthique conditionnée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un apprentissage qui se fait et d'impossibilité à penser. Il y a un apprentissage qui se fait en biologie et biodiversité qui empêche de voir l'animal et qui empêche de voir que c'est un être vivant, conscient et qu'on ne va pas manipuler comme n'importe quel objet. Et ça, effectivement, on l'apprend à la faculté. Tu dis que c'est Latour qui dit ça? Ouais. Ouais, c'est dans Singer, je crois pas que ce soit. Enfin, il doit le répéter de quelqu'un. C'est pas impossible. Non, mais c'est pas Singer qui a inventé le terme, c'est. Mais Singer le cite. Et je pense pas qu'il le cite de la tour. Oui, non. C'est à mon avis une bonne expression. Oui, je trouve que c'est très juste. C'est vraiment cet ordre-là, c'est qu'il y a un paradigme. La définition d'un paradigme, c'est justement d'être dans une idéologie et pas de l'avoir. Et de voir que ça. Maintenant, il y a un fait. Enfin, moi, on me disait, si tu dissèques pas un animal, il n'y a pas d'autre manière. Enfin, quand on va pas l'anatomie pareille, enfin, il n'y a pas d'autre manière que d'avoir disséqué pour l'apprendre. Mais c'est vrai. Je peux apprendre d'autres manières. Enfin, par contre, il y a d'autres manières de savoir. Enfin, l'idéologie, c'est quand même, c'est pas grave, on ne peut pas attribuer tous les progrès de la médecine, toutes les découvertes à la science expérimentale. Il n'y a pas que ça. Enfin, c'est un ensemble de choses, etc. Et renoncer à un type de science, ça permettra quand même ça permettra aussi d'en faire d'autres. Enfin, c'est aussi un autre problème, c'est quand on fait ça, on ne fait pas d'autres méthodes. Donc, il n'y a pas d'autres méthodes efficaces. Donc, il reste que la première qui est efficace. Enfin, moi, j'ai abandonné la science parce que t'as pas les mêmes budgets si t'es pas dans ce paradigme-là, c'est évident. Enfin, si t'es pas dans l'expérimental de laboratoire en biologie, il faut vraiment être fort, avoir des arrières financiers pour pouvoir tenir un petit peu et financer des premiers trucs qui te permettront de donner des résultats, donc des budgets par la suite. Enfin, voilà, c'est pas le même. Donc, ça empêche quand même l'émergence d'autres méthodes d'études du vivant. Par rapport à la perception des animaux, enfin les scientifiques, c'est qu'il m'est arrivé que j'étais en train de préparer une exhibition sur l'expérimentation. Exposition, oui. Une exposition, voilà. Et je devais choisir les photos à imprimer et à attacher sur les panneaux. Et j'ai regardé des dizaines de photos sur un site, je crois, anglais ou américain. Et puisque je les regardais avec, pas dans le but de me rendre compte de leur souffrance, mais au but de choisir les meilleures, les plus efficaces, celles qui étaient plus en rapport avec les textes du panneau. Donc c'était un but, disons, plus détaché. Oui. Vous voyez ? Alors, à la fin, j'ai passé tout l'après-midi, et à la fin, je me suis rendu compte que mon regard sur les images, donc sur les animaux, était complètement différent, était devenu vraiment comme si c'était des objets. Alors, vous pouvez imaginer ce qui se passe à la fac. Il suffit qu'on change de point de vue, qu'on ne pense pas à la souffrance. Même moi qui suis militante pour les animaux, c'est vraiment psychologique. Il semble que ça suffit vraiment très peu pour être insensible. Je comprends pas. Je comprends pas. Les animaux écrasés, tu dis? Oui, c'est vraiment des mots. Tu sais, c'est vraiment. Pas des êtres sensibles. Les fauteuils. Oui. Oui, peut-être que c'est cher. C'est pas possible. Non, c'est vrai. Il y a 6 ans. non, elle n'existe pas. Il n'y a pas de dispositif légal. Tu viens de collège, peut-être. Oui, c'est ça. Justement, je crois qu'on s'appuie sur une contradiction dans le... Je ne sais pas si c'est vraiment une loi qui permet de refuser de faire les dissections didactiques. Il est écrit qu'il faut faire des dissections didactiques dans tous les cas où il n'y a pas de méthode alternative. Mais ailleurs, il est permis de se refuser de faire des dissections. Et les profs devraient te donner les moyens de progresser, d'avancer quand même dans les études. Alors c'est une contradiction dans la loi qui permettrait théoriquement d'abolir la dissection didactique. C'est une très bonne chose. Pour quelqu'un par exemple qui ne souhaite pas sacrifier des animaux pour faire des expériences, c'est un type de devenir vétérinaire. Voilà, c'est terrible ça. Oui. La plupart des vétérinaires s'en fichent des animaux parce que justement, les personnes qui aiment les animaux s'arrêtent au début des études parce qu'elles sont dégoûtées. Et celles qui continuent sont celles qui vont accéder à la profession, vont soigner les animaux d'élevage qui sont destinés à être tués. Je crois que la profession du vétérinaire naît comme vétérinaire d'animaux d'élevage. Elle naît comme ça. Je ne sais pas si c'était pas les chevaux de l'armée. Chevaux de l'armée, je pense. Ouais, enfin, il me semble avoir lu ça. Mmh. Amener les gens à se rendre compte que dans la recherche biomédicale, ça marche sur l'utilisation des cobayes. Alors c'était un mouvement pour abolir le fait d'utiliser des cobayes en expliquant qu'il y a des domaines où on utilise des animaux pour faire des recherches, un peu comme le cas aux États-Unis, le cas des chats. Le truc de spirale, par exemple, des expériences sur la perception. Et je pensais qu'il faudrait informer les gens aussi du fait qu'il y a des expériences de recherche des bases qui ne sont pas menées pour la santé humaine et les proposer provocatoirement. De façon provocatrice. De façon provocatrice, oui. De me proposer à la place de la cobaye. Dans le sens, les gens qui sont d'accord dans le mouvement pour l'abolition des cobayes se proposent pour faire avancer quand même les connaissances. Parce que sinon, les scientifiques disent qu'on est médiéval, qu'on refuse la science, anti-science et tout ça. Alors chercher des expériences qui ne sont pas évidemment... utile. Non, qui ne sont pas. Non, au contraire, qui ne sont pas. dure, qui est douloureuse, parce que je n'ai pas envie de souffrir, mais de dire pourquoi on les amène sur les animaux, on ne les amène pas sur les humains. Il y a des humains qui se soucient des animaux, qui pensent que pour l'avancement des connaissances humaines, il faudrait utiliser des humains. C'était l'idée. De toute façon, je trouve ça compliqué de militer pour l'expérimentation animale à la base, parce que de militer, je parle dans la rue, stand et tout ça, parce que les gens sont... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les gens sont justement toujours bien d'accord pour dire que oui, c'est dégueulasse, bon, voilà, et signer les pétitions, mais en fait, parce que c'est... Je veux dire, c'est pas un changement de pensée qu'on leur demande, c'est rien dans leur vie, juste dire, ah ouais, bon, bah c'est pas bien, et voilà, et le public est pas plus convaincu, je trouve que les conversations sont pas... Enfin, il y a plein de bouleversements, en fait, des discussions qu'on peut avoir, justement, sur manger ou pas de la viande. Parce que manger ou pas de la viande, c'est au quotidien, donc tu deviens végétarien, et au quotidien, tu réaffirmes ton choix. Se prononcer contre l'expérimentation animale, c'est dire, bah voilà, je trouve ça dégueu, bon, à côté, ça ne me concerne pas vraiment. Les gens comme nous, ils vont continuer à prendre des médicaments, et puis ça changera pas la vie, quoi. Et en plus, les décisions, je veux dire, nous, encore moins que pour le végétarisme, je veux dire, en étant dans un spéciste, on peut encore moins vivre selon nos convictions en ce qui concerne l'expérimentation animale, parce qu'on prendrait tous un médicament si on est obligé. Tandis qu'on n'est pas obligé de manger de la viande. Donc je trouve ça un peu compliqué à la base, en fait, de militer auprès du public pour ça. Oui, mais voilà, mais c'est une politique, mais personne ne va dire oui, c'est justifié d'aveugler un lapin pour un mascara, mais déjà, est-ce qu'après les gens vont faire l'effort d'acheter des produits non testés? Et en plus, est-ce que ça changera vraiment quelque chose? Il y a une directive en 2012, je crois que les tests sur animaux pour les cosmétiques vont être interdits. Bah, c'est loin. Bah, c'est loin, mais de toute façon, je pense pas que ça. On arrivera à penser la date. On l'a repoussé de plus en plus. Ouais, c'est en plus. Donc, je ne suis pas sûre qu'en 2012, on va vraiment abolir. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que les gens reconnaîtront que ce qu'il y a aveuglé à la fin pour tester un mascara, c'est pas bien que ces gens remettront en question la place des animaux. Tu vois, c'est ça, je pense. Non, mais ça c'est tout le problème dans le spécifique. 14h31.